on va s'en parler la semaine prochaine. OK, cette semaine, pré-éclampsie, dépistage de drogue et prélèvement capillaire. Donc, on va voir pré-éclampsie, dépistage de drogue. Le prélèvement capillaire, j'ai enlevé le cours parce que votre devoir est là-dessus. Donc, on verra pour ça. OK, ça, c'est encore moi. Hein, vous savez. Donc, on va voir ça. Le paramètre biochimique. Ça, ici, c'est très, très bref parce qu'on les a vus dans les autres cours. Glucose, on l'a déjà vu. Bilirubine, on l'a déjà vu. Les paramètres divers, c'est juste les paramètres qu'on fait sur le bébé après, mais il y a très peu de matière ici. Gros morceau ici. Puis dépistage de drogue. Et quand on parle de drogue, c'est drogue d'abus. Okay. Les choses de fun qu'on n'est pas supposé faire. OK? Pas les médicaments, parce que drogue dans drogue, il y a médicaments aussi. Là, c'est pas un cours sur les médicaments. Et puis, prélèvement capillaire, comme je vous dis, là, ça va être le devoir pour ça. Donc, les paramètres biochimiques courants mesurés après la naissance, donc évidemment, c'est chez bébé, pas chez maman. Il y en a aussi chez maman. Parce que quand vous avez la joie d'accoucher dans un hôpital, ils viennent vous réveiller à 4h du matin pour prendre une prise de sang. Quand tu viens de t'endormir, c'est un grand classique. C'est pas celui-là qu'on parle. Là. C'est celui chez bébé. OK? Donc, pourquoi on va prendre des tests biochimiques chez les nouveaux-nés? Et ben, pour vérifier plusieurs paramètres biochimiques. Mais pourquoi? Bon, c'est parce que, un, il y a deux choses qu'on va voir dans ces variations de paramètres-là. Le traumatisme de la naissance. Et là, quand on parle de traumatisme de la naissance, même si ça a bien été, ça reste un traumatisme, la naissance, au niveau biochimique. Donc, il passait dans un état où il était bien et tout ça, puis il y a eu un choc, puis son corps réagit au choc, donc il va avoir des montées et des descentes de différents paramètres biochimiques qui reflètent ça ici. Et puis, l'adaptation à l'existence indépendante, donc c'est pas pareil avant qu'après du tout. Donc, il y a plusieurs paramètres biochimiques qui vont changer. Évidemment, on ne vérifie pas tout ça, hein? Donc, les signes de traumatisme qu'on peut voir. Bon, là, ici, ça vous dit quelque chose, j'espère. Ça vous devrait vous dire quelque chose. C'est quel système qu'on voit avec ça? Le foie, effectivement. La gamma GT ou GGT, c'est la même chose. C'est aussi. La CK, est-ce qu'on l'a vu ensemble? Non, je ne sais pas si vous pouvez la prescrire, celle-là. Qu'est-ce que c'est la CK, la créatine kinase? Est-ce que vous savez ça? Vous pouvez la prescrire? Oui. Que, ouais, c'est pour voir si les reins éclairent bien, non? Oh. Non. Okay. De vous reformuler. Oui. OK. La CK, quand on va voir la CK, c'est une enzyme qui démontre des dommages musculaires importants. Autrement dit, vous nous faites une crise cardiaque, votre CK va monter. OK? Parce que c'est un gros muscle. Il y a une CK qui est spécifique pour le cœur, c'est la CK-MB. C'est remplacé dans les labos, maintenant on va plus doser la troponine, c'est autre chose. Ça, c'est pas le cardiaque, on le voit pas ici, c'est un cours que j'ai fait enlever pour vous, parce que vous ne traitez pas ça. Mais tous les gens, quand on fait un marathon, puis vos muscles ont complètement ils ont eu une dure journée, mettons. Il va y avoir une augmentation de CK, destruction musculaire qui va être là. Les gens qui ont des maladies, rhabdomyolyse, où vos muscles sont complètement désagrégés, une augmentation de CK. C'est pas spécifique, mais c'est atteinte musculaire. Oui? C'est-tu la même chose que créatinine? Non, okay. Créatinine, quand, ça, c'est pour le rein. C'est bon. Ça, on va le voir. Okay. On va le voir ensemble, on va avoir la joie de s'étendre sur le sujet parce que c'est quelque chose que vous prescrivez. Le CK, je ne sais pas si vous pouvez le prescrire, mais si vous le voyez, c'est un marqueur de dommage musculaire. Donc, le bébé, évidemment, est tombé en hypoxie à un moment donné. Donc, c'est sûr qu'il va avoir du dommage musculaire à un moment donné. Donc, il va avoir une élévation de CK. On s'entend, c'est pas... quand on parle de dommages musculaires, c'est pas des dommages musculaires terminaux, là. OK? C'est tout simplement, là, qu'il y en a une gang qui ont passé une dure journée. OK? Donc, la CK. Donc, augmente. Si vous remarquez, ce sont tous des enzymes intracellulaires. Donc, si vous le retrouvez dans le sérum, c'est parce qu'il y a eu destruction cellulaire. Donc, ça ici, chez le nouveau-né, on retrouve ces signes-là. C'est normal. Et là, ça ne veut pas dire que la grossesse, l'accouchement a mal été. C'est parce que par définition, c'est un traumatisme par rapport à son état avant. C'est tout à fait normal. Mais on s'entend, il faut. Ça va augmenter, mais il y a le degré d'augmentation là, qui est important aussi. Mais si vous preniez. L'autre chose, si vous dosiez chez un nouveau-né, bon, l'urée, la thyroxine, le calcium. Ça, l'urée, on ne l'a pas encore vu, on va le voir dans le rein ensemble. Donc, l'urée, c'est un produit de dégradation des protéines. OK? Les concentrations sont basses dans le sang du nouveau-né parce que chez lui, il y a une accélération de la synthèse de protéines. Adaptation à la vie et tout ça, il y a une synthèse accrue de protéines. Donc, dans ce temps-là, il ne dégrade pas ses protéines activement. Ses métabolismes sont plutôt dans l'autre sens. Produit, fait des protéines, tu en as besoin. C'est plus maman qui fournit, là. Donc, il va falloir qu'il synthétise plus. OK? Donc, à ce moment-là, son urée va diminuer. Ça va revenir après, par exemple. On parle du nouveau-né. La thyroxine, un autre petit nom de la thyroxine, c'est quoi la thyroxine? TH. Oui, c'est une hormone thyroïdienne, la T4. La T4, hormone thyroïdienne, on va le voir ensemble. C'est les deux cours, il nous reste trois cours. Il nous reste le rein, il nous reste le rein, les hormones thyroïdiennes. Il en reste un autre que je ne me rappelle plus. Oui, yes, yes. Yes, oui, tous les tests de biochimie qu'on va faire avant la naissance et après la naissance pour les maladies métaboliques. Ça, c'est un autre cours, effectivement. Donc, la thyroxine, on va le voir ensemble, la thyroxine va monter. Après sa naissance, le bébé sécrète la TSH en quantité importante. La TSH, on va le voir ensemble plus tard, c'est l'hormone au niveau de l'hypophyse qui dit à l'hormone à la glande thyroïde qui est ici, produit de la T4. OK? Donc, on est un état d'hyperthyroïdie. Alors, les hormones thyroïdiennes, c'est des hormones métaboliques très importantes. Donc, autrement dit, c'est ça qui fait qu'on chauffe. Donc, on a le chauffage à 37,5, là, des hormones thyroïdiennes. C'est un accélérant d'à peu près toutes les réactions de synthèse et tout ça. C'est les hormones thyroïdiennes aussi. Donc, il y a un état d'hyperthyroïdie physiologique, c'est tout à fait normal. Ça stimule l'organisme à entrer dans un état métabolique accéléré. Le bébé passait de « je suis à la charge de maman à 100% » à « il faut que je me débrouille un petit peu pour survivre ». Donc, son métabolisme est stimulé ici. Puis les niveaux reviennent à la normale aux environs de 1 an. Donc, quand il a réussi à prendre le bide de comment ça se passe à l'extérieur. Tout seul comme un grand. Donc, tout à fait normal. Votre thyroxine va monter. Votre calcium, on peut le doser. On va être en hypocalcémie. Ça veut dire quoi? Hypocalcémie. C'est ça. Diminution, hypo, de calcium dans le sang. OK? Donc, c'est pas rare chez les prématurés. Malheureusement, chez les prématurés, ça va amener des déficiences en minéralisation osseuse, convulsions et déficiences cardiaques. Chez l'adulte aussi, une déficience en calcium va amener ça. Une déficience en minéralisation osseuse, nous, elle est complètement formée. Mais ça peut être sujet à ostéoporose chez l'adulte aussi. Convulsion et défaillance cardiaque, c'est classique aussi chez l'adulte. Mais chez le nouveau-né, on le retrouve beaucoup, surtout chez le prématuré. Et à ce moment-là, chez le nouveau-né, on ne demande pas un calcium, on demande un calcium ionisé. Ça, c'est un cours que j'ai fait enlever de votre cursus parce que je trouvais que c'était trop. À un moment donné, ce n'est pas des tests que vous pouvez prescrire, mais ça a rapport avec le métabolisme osseux et tout ça. Le calcium ionisé, c'est le vrai calcium qu'on utilise si on veut. Et quand vous faites un calcium actuellement dans le sang, c'est un calcium total. Le calcium, il se promène sur une molécule que vous connaissez beaucoup, qui est l'albumine. Donc, vous savez, le taxi qui embarque pas mal de monde, l'albumine, entre autres, aime beaucoup embarquer du calcium. Donc, qu'est-ce qui se passe chez le nouveau-né? Vous vous rappelez l'albumine? C'est bas, c'est pas bas, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait chez une... C'est plus bas. Vous vous rappelez pourquoi? pH. Il y a le pH qui n'aide pas. L'albumine qui est là, à cause des H+, il va débarquer. Il va débarquer les autres, donc c'est bien important. Et puis, en plus, il y en a un petit peu moins d'albumine. OK? À cause de la synthèse au foie. Si vous vous rappelez, votre foie, il y a bien des affaires à faire, donc son albumine est un peu basse. Donc, si vous faites un calcium total, bien évidemment, comme il y a moins d'albumine, vos valeurs vont être très basses. OK? Parce que quand on fait le calcium total, chez un adulte, par exemple, évidemment, c'est le calcium qui est libre, qui est celui qui est important pour la physiologie. Mais il y a tout celui qui est pris sur votre albumine, calcium total. Mais si vous avez une condition particulière qui fait que le libre est changé, mais le total ne l'est pas, vous ne le verrez pas sur le total. Est-ce que vous me suivez? C'est pas clair. Disons que j'ai une condition de pH un petit peu bizarre ici. Donc, albumine plus calcium, quand vous êtes en alcalose, bien là, votre calcium est plus sur votre albumine. Quand vous êtes en acidose, on se l'est dit, il y a plus d'acide, l'albumine va prendre de l'acide, donc il va libérer du calcium. Donc, ici, si vous dosez un calcium total, puis si vous dosez un calcium total, ça ne sera pas exactement la même chose. Là, je n'embarquerai pas dans le calcium. Ce n'est pas à l'examen, je vous le dis, ça. Ça, c'est à l'examen, on va le voir dans le cours, sur la thyroxine, on va voir tout ça ensemble. Ça, on va le voir dans le cours sur le rein. Ça, je vous le dis, mais ce n'est pas à l'examen. OK? Donc, chez un bébé, parce que justement, la protéine porteuse d'albumine, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait régulière, on va faire le calcium ionisé. Là, ça va doser le calcium qui est actif physiologiquement. On va doser directement. Oui? Il y a juste une chose, là. Alcalose métabolique, là. Alcalose, pas nécessairement métabolique, mais c'est une alcalose, oui. Est-ce qu'on n'avait pas entendu que c'était comme très, très rare chez le nouveau-né? C'est très rare, mais là, n'oubliez pas, le nouveau-né, ça, cette formule-là ne s'applique pas nécessairement au nouveau-né. Au nouveau-né, c'est plus ici, mais ça, ça s'applique chez l'adulte aussi. Ça, okay. C'est pris généralement. Fait que même la parenthèse, généralement. C'est généralement, ça aussi. Chez le nouveau-né, à cause de l'albumine, à cause de l'acidose, ce qu'on devrait doser, c'est le calcium ionisé et non pas le calcium total. C'est ce que ça veut dire. Tout ce que ça veut dire, ça ici, là, calcium important, mais chez le nouveau-né, ça ne donne même pas la peine de faire un calcium total, vous devez aller vers le calcium ionisé. OK? Si on avait un cours sur les os, là, je vous parlerais pendant une demi-heure de ça. Mais là, on n'a pas besoin, on va s'en tenir à ça. Et si jamais un jour vous avez à demander un calcium, okay, chez les prématurés, ça peut être le cas, le calcium est très fréquemment demandé. Je ne crois pas que vous ayez de bébé prématuré. Habituellement, pas. Mais si vous allez travailler en hôpital et tout ça, à Saint-Luc, on en a, nous, des sages-femmes qui sont à l'hôpital. Mais, en tout cas, si vous en voyez dans l'ordre d'un gros stage, ça se peut qu'on demande un calcium et ça va être un calcium ionisé. C'est juste ça que je veux vous retenir. La seule chose. La bilirubine, OK, ça, on s'en est parlé il y a deux semaines, en long, en large, sur le travers et tout ça. Vous savez pourquoi je demande la bilirubine, pourquoi vous devriez demander la bilirubine. Vous savez de quelle façon demander la bilirubine. Vous savez quelle bilirubine demander. Donc, vous en savez autant que moi là-dessus. J'espère. Donc, si le bébé est quelle couleur, qu'on s'inquiète. Bleu, c'est pas ça. Jaune. OK. S'il est bleu, qu'est-ce que vous demandez? Un gaz. Hein? Pas la même affaire. OK. Donc, effectivement, la jaunisse, c'est ce qu'on surveille. Et tout ça, c'est par la bilirubine. Même affaire, vous avez déjà vu ça. Il y a différentes bilirubines non conjuguées, conjuguées. Pas de problème. OK. Le glucose, on a déjà tout vu ça aussi. Parce que là, c'est chez le nouveau-né. On s'est tout déjà parlé de ça. Ça ici, ce sont des valeurs de référence. Vous vous rappelez que pour le glucose, les chiffres qu'on retient plutôt, c'est les chiffres du diabète. Hein? Pour vous, c'est ça qui est important. Mais si vous aviez à faire une valeur de référence, c'est plus dans ces ranges-là qu'on aurait. Donc, vous voyez, chez l'adulte, c'est à peu près dans ces niveaux-là. Est-ce que c'est une personne diabétique ici? Non, évidemment. Okay? Vous n'êtes pas à 7 encore. Là, après ça, vous voyez que plus d'un jour de vie, plus en hypoglycémie, c'est pas anormal, là. Ce sont des valeurs de référence. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer ici que l'état d'un jeune enfant n'est pas le même que d'un enfant de 2 ans. N'est pas le même qu'un adulte. OK? On retrouve ça ici, les enfants avec plus d'un jour de vie. Un jour de vie, c'est encore plus bas. Ça, ce sont des valeurs normales, valeurs de référence. C'est ça qu'on retrouve. Chez le nouveau-né, c'est encore plus bas. Chez le prématuré, on descend encore. OK? Donc, vous avez ici, donc, vous voyez qu'il y a une hypoglycémie relative. Puis là, vous savez tout pourquoi. Donc, c'est tout pour parler de ça. Donc, je ne m'attends pas là-dessus. Donc, la très faible réserve de glycogène au foie à sa naissance. Donc, effectivement, le bébé, quand sa maman lui en fournit, sa maman lui en fournit, hein, mais ici, là, quand il est dans le ventre, là, c'est un petit peu plus haut que ça. Elle en fournit, mais pas à ces niveaux-là. Là. C'est un petit peu plus bas. Quand il se ramasse tout seul, est-ce qu'il mange autant? Non, pas vraiment. Hein? Je veux dire, le processus, il n'est pas en continu, il n'est pas en nourriture continue. Ben, il va se ramasser comme nous, à manger à des heures qui ne sont pas... Parce que le bébé à l'intérieur, il est nourri en continu. Quand il a besoin, il prend. Il n'y a pas de postprandial. Parce que dans le sang de la mère, le glucose est régulé tout le temps. De façon... Elle a un postprandial. C'est sûr, son levure, ça monte, il y a des petites montées, il y a des petites... Mais le bébé, il voit ça beaucoup plus atténué, parce que les hormones de la mère ont contribué à avancer ça. C'est sûr qu'en postprandial, il est un petit peu plus haut, mais pas les pics que nous, on voit. Là. Puis, il mange tout le temps. C'est bar open, quand il en a besoin, il en prend. Donc, il n'y a pas besoin d'accumuler du glycogène énormément. Dès que le cordon est coupé, il ne mange plus. Là, il est pris comme toutes nous autres. C'est-à-dire que là, tu utilises. À un moment donné, tu n'en as plus. Mais là, tu chiales pour avoir faim. Nous allons avoir eu chiale assez vite. On sait. On apprend. Là, il y a de la misère à digérer. Il va manger un petit peu. Il va prendre ses stocks. Puis il va finir par, graduellement, là, être capable de s'ajuster. Ses réserves de glycogène vont monter graduellement aussi. Okay? Quand il y a trop de sucre, il va en faire. Dans le ventre de la mère, il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas nécessaire. C'est en continu. Et c'est tout ça, c'est tout à fait normal. Donc, on a tout vu ça. Ça je radote, hein? J'ai déjà tout radoté ça. Là. Vous m'avez déjà tout entendu dire ça. Là. Oui? Est-ce qu'il faut apprendre toutes ces valeurs? Non. Ce que je veux que vous reteniez ici. Non, les valeurs, les seules valeurs de glucose que vous devez savoir, puis si je vous les demande ici, vous êtes supposé savoir, c'est vos valeurs de diabète. OK? C'est les seules choses que je demande. Parce que professionnellement, c'est ça que vous allez travailler avec. Vous n'irez pas voir ça. Ça, c'est physiologiquement, qu'est-ce que c'est? Si vous alliez apprendre une glycémie du nouveau-né, puis vous arrivez avec des chiffres en bas comme ça, vous ne devriez pas paniquer. C'est le but de ça. Donc, vous devez savoir que c'est hypoglycémie, vous devez savoir à peu près c'est quoi, mais ces chiffres-là, je ne vous les demanderai pas. OK? Chez le glucose, sont nos valeurs de référence. L'hypoglycémie, avec les symptômes associés qu'on a déjà vus ensemble, quand vous tombez en hypoglycémie, tremblement, transpiration, nausée, peau rapide, ça c'est des symptômes d'hypoglycémie. Il y en a d'autres, si vous vous rappelez dans votre petit document, vous les aviez tous. Là. Et puis, chez l'adulte, c'est en bas de 2,8 qu'on a ces symptômes-là. Sauf une catégorie de personnes, c'est lesquelles? On se les dit rapidement, mais je n'avais pas trop insisté là-dessus. Les gens qui sont diabétiques depuis longtemps. OK? Les gens diabétiques depuis longtemps, le corps s'habitue. C'est malheureux, mais ces gens-là ne peuvent plus, non plus ces symptômes-là. Donc, eux, quand ils tombent en hypoglycémie, ils n'ont pas eu de signal avant qu'ils étaient en hypoglycémie. Donc, c'est un des dangers chez les enfants diabétiques. Une des premières choses qu'on leur dit, à part là, de bien se contrôler, tout ça, c'est de reconnaître les symptômes. On dit ça aux parents aussi. OK? Vous devez reconnaître ces symptômes-là quand votre enfant les montre, c'est parce qu'il est en hypoglycémie. Donc, vous devez lui donner des petites collations, des choses comme ça. Mais plus on est diabétique longtemps, moins on les reconnaît. Donc, quand on tombe en hypo, on tombe pas un petit peu. Ça devient dangereux. OK? Donc, quelqu'un qui est récemment diagnostiqué diabétique, il va le savoir. Il va connaître ses propres symptômes. Puis dans ce temps-là, on lui dit, mais tu prends une orange, il y a comme un petit kit qu'on leur dit, tu prends tant. Puis là, tu vas te sentir mieux, c'est correct. Puis plus c'est long, plus votre corps s'habitue à ça, moins vous les sentez. Ça, c'est chez l'adulte. Chez le nouveau-né, vous remarquez, l'hypoglycémie, les symptômes arrivent beaucoup plus tard. Chez les prématurés, c'est encore pire. Aucun symptôme avant 1,7 et 1,1. OK? Donc, avant que ça commence à faire des dommages. Donc, c'est pour ça que chez les bébés, on ne suit pas juste aux symptômes. Parce que les dommages vont s'installer avant que les symptômes apparaissent. Mais sinon, c'est déjà tout déjà dit ça. Les causes les plus communes, on l'a vu, la prématurité, immaturité du foie à synthétiser glycogène, diabète gestationnel, donc les mamans qui étaient diabétiques, il faut faire attention un petit peu au nouveau-né. Ce qui ne veut pas dire qu'un nouveau-né d'une maman diabétique ou qui avait du diabète de gestationnel va avoir ça, c'est juste que sa probabilité est plus haute. Pré-éclampsie, donc les bébés de maman pré-éclampsie, on va voir ça aujourd'hui. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le bébé va nécessairement être en hypoglycémie, mais c'est qu'il est à risque. Et syndrome de détresse respiratoire également. Ça, c'est une des questions que vous avez eues à l'examen. OK, on peut utiliser un glucomètre pour évaluer la glycémie chez le nouveau-né, mais il faut s'assurer qu'il est certifié pour usage. Faites attention, sur le marché, ce n'est pas tous les glucomètres portatifs qui sont certifiés pour le nouveau-né. Donc, si vous en avez dans votre centre de naissance qui sont faits pour maman, c'est correct. Ceux qui sont certifiés pour nouveau-né marchent pour maman aussi. On s'entend, là? Mais ceux pour nouveau-né, il faut qu'ils soient certifiés pour nouveau-né. C'est qu'ils descendent plus bas. Comme vous avez vu, votre range de glucose en bon français, votre écart autour des valeurs de référence est plus basse. Donc, vous avez besoin d'avoir un appareil plus sensible. Et ce ne sont pas tous les appareils sur le marché qui répondent à ça. OK? Donc, quand vous achetez ça, vous partez une clinique et tout ça, et vous devez faire l'achat de ça. Assurez-vous d'en avoir un qui fonctionne pour les nouveau-nés si vous voulez l'utiliser pour ça. Et ça, c'est important. Et l'hématocrite élevé interfère. Ça, chez les nouveaux-nés, toujours, l'hématocrite est plus élevé que chez l'enfant ou l'adulte. Donc, ça interfère avec les glucomètres. Donc, si vous êtes dans les valeurs dangereuses, vous faites certifier par le laboratoire. Parce que votre glucomètre ne vous donne pas toujours l'heure juste. Donc, ça, on s'est tout déjà dit ça. Donc, c'était ma demi-heure de radotage. OK? C'est beau? On va passer dans la pré-éclampsie maintenant. Ça vous dit quelque chose, hein? Ouais. Avec le diabète gestationnel, ce sont les deux conditions que vous allez voir le plus. Ça m'étonnerait beaucoup que dans votre pratique, vous ne soyez pas face un jour à une pré-éclampsie. Donc, la cliente que vous suivez, vous devez essayer de diagnostiquer cette condition-là qui peut être grave. Même chose pour le diabète gestationnel, c'est bien de pouvoir les voir avant. Si c'est contrôlé, il n'y en a pas de problème, ça va bien. Mais ça, c'est les deux conditions là, que vous allez voir souvent. Bien, souvent. C'est pas ce que vous allez voir le plus, heureusement. Heureusement. Mais la pré-éclampsie, c'est réel et ce n'est pas, malheureusement, rare. OK? Ce n'est pas une maladie métabolique. Vous allez voir les chiffres tout à fait la même chose. Donc, la pré-éclampsie, c'est une maladie de type hypertension. C'est une maladie d'hypertension associée à la grossesse. Il y a quatre maladies hypertensives reliées à la grossesse. Et ça touche de 5 à 10 % de toutes les grossesses. OK? Les quatre sont les suivantes. Jaune, tête de mort, X, entouré, mettre sur sa table de chevet, reviser avant l'examen. OK? Ces quatre-là, vous devez les savoir. Vous devez faire la différence entre les quatre. Si je vous donne un cas, vous devez être capable de me dire c'est laquelle des quatre où je ne suis pas dans le champ, c'est complètement autre chose. Ça, je m'attends absolument de ça. Et là, vous allez commencer à avoir des chiffres. Des chiffres comme les pourcentages, ça, c'est jamais à l'examen. Hein? Ça, c'est juste pour vous donner est-ce que c'est rare, est-ce que c'est pas rare. Les pourcentages et les statistiques ne sont jamais à l'examen. Par contre, quand je vais commencer à vous sortir des chiffres, l'attention à partir de temps et de temps, ça, c'est à l'examen. OK? À partir de maintenant, là, c'est à l'examen. Donc, les quatre cas. Hypertension chronique. Hypertension gestationnelle. Pré-éclampsie. Et pré-éclampsie superposée à l'hypertension chronique. Donc, qu'est-ce que c'est? L'hypertension chronique, on va toutes les voir un après l'autre, là, mais juste pour vous dire, l'hypertension chronique, est-ce que vous pensez qu'une maman qui fait de l'hypertension, une madame qui fait de l'hypertension, peut tomber enceinte? Oui. Est-ce que vous pensez que ça va guérir son hypertension? Non. Donc, ça tombe dans ça ici. Quelqu'un qui avait une hypertension avant sa grossesse, évidemment, ce n'est pas une condition qui disparaît mystérieusement. Faites attention, dans les premiers mois, ça baisse. Il y a une baisse de tension qui peut masquer ça. Et ça va revenir, ça, à un moment donné. Quelqu'un qui a de l'hypertension avant, elle tombe enceinte, c'est pas miraculeux. Il y a une raison pourquoi elle faisait de l'hypertension. Donc, habituellement, si ça ne s'est pas réglé, ça suit. L'hypertension chronique complique 3 % des grossesses. Hypertension gestationnelle. Une maman qui n'a pas d'hypertension avant la grossesse, rendue au deuxième trimestre, il y a de l'hypertension qui apparaît. Et voilà, et après la grossesse, ça redisparaît. Ça, c'était de l'hypertension gestationnelle. OK? Pré-éclampsie. Une maman qui n'avait pas d'hypertension avant, arrivée à un certain temps dans sa grossesse, l'hypertension apparaît et les protéines dans l'urine vont apparaître. Donc ça, c'est de la pré-éclampsie. On va voir ça en détail. Si vous lisez des articles français, des livres français, on parle pas de pré-éclampsie, qui est un terme plus anglais, américain. C'est la toxémie gravidique. À un moment donné, quand je cherchais ça dans les livres, j'ai dit, non, je veux le chapitre sur la pré-éclampsie. Et il me sortait toujours ça. C'est parce que c'est un autre terme. OK? Donc, si je vous demande, parce que vous devriez savoir ça, pour ne pas avoir l'air aussi épaisse que moi quand vous cherchez pendant une demi-heure, vous devez savoir ce terme-là. Je ne saute pas. Et, évidemment, quelqu'un qui avait de l'hypertension, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se taper malheureusement une pré-éclampsie. Donc, vous avez la superposition des deux. Oui? Est-ce qu'il y a une distinction dans la toxémie gravidique? Comme là, on dit pré-éclampsie, puis on dit éclampsie. Mais on là, va voir les deux. Toxémie gravidique? C'est dans la toxémie gravidique, c'est l'éclampsie, mais effectivement, il rentre la pré-éclampsie. Certains parlent de l'éclampsie comme étant une pré-éclampsie beaucoup plus grave. On va voir, ça se ressemble énormément. C'est tout simplement qu'il y a une superposition de symptômes neurologiques qui embarquent avec ça. Mais effectivement, là, c'est dans la grande famille. J'ai été dans des conférences aux États-Unis où on parle de pré-éclampsie. Puis à un moment donné, je m'apercevais qu'ils parlaient d'éclampsie aussi. Là. Donc, c'est comme dans la même famille un peu. Oui? Vous l'avez peut-être dit, mais pourquoi il y a une hypotension au début de la grossesse? C'est les volumes de liquide, si ma mémoire est bonne. Ben, j'avais une partie du cours il y a 3-4 ans qui parlait de ça, mais j'ai complètement enlevé, c'était trop haut. Il y a pas la vasodilatation. Il y a une vasodilatation, il y a un déplacement des liquides qui vont faire, en général, qu'on va avoir une hypotension dans le début de la grossesse. Mais vers 20 semaines, c'est plus ça, là. Ça revient. Okay, donc, c'est pour ça qu'on. L'attention avant ça, là, c'est, on ne le voit pas. Donc, une maman qui avait de l'hypertension avant la grossesse, ça se peut qu'au début de grossesse, ça soit plus visible. Et là, n'oubliez pas une chose aussi. Là, c'est bien, on s'en parle comme ça. Oui, la maman avant avait telle de la pression avant ou après. Ce n'est pas tout le monde qui sait si avant d'être enceinte, on a de l'hypertension. Savez-vous si vous faites de la tension? Avez-vous déjà pris votre tension? Ah, mais attention, c'est pas un gros plan. Ça fait 3 semaines. Ça fait pas longtemps. Non, ben c'est ça. Donc, c'est pas tout le monde. Est-ce que quelqu'un l'a découvert qu'il y avait la haute pression? Mais avant les examens, c'est pas une bonne... Il faut faire attention. C'est comme le syndrome de la boulouse blanche, c'est tout à fait vrai. Il y a des gens... Moi, à chaque fois que j'allais faire mon foutu test-pap quand j'étais plus jeune, ils me trouvaient toujours de la haute tension. J'haïssais ça, ce maudit test-là, comme ça n'avait pas d'allure. Ma tension montait tout le temps, tout le temps. Donc, madame, surveillez-vous. Tu apprenais 2 jours après, là, dans le bureau, il n'y en a pas de problème. C'est parce que c'est ton test qui me fait monter la tension. Faut faire attention. Des gens qui rentrent dans un hôpital, ils sont stressés, ils font de la tension tout de suite. OK? Donc, il faut faire attention avec ça. Mais si vous n'avez pas de raison de vous prendre votre tension, ce n'est pas quelque chose qu'on sait toujours. Donc, madame, aviez-vous, avant votre grossesse, de l'hypertension? Je ne pense pas. Je me sens pas mal. L'hypertension, on appelle ça le tueur silencieux, hein, parce qu'il n'y a pas de symptômes. Donc, tu te sens pas mal parce que tu as de l'hypertension. OK? Donc là, on va les voir un par un, joyeusement. L'hypertension chronique. Et là, les chiffres que je vous dis là doivent être su avec les unités convenables associées avec lors d'un examen. Si vous n'avez que 140, c'est bien dommage, mais vous n'avez que la moitié des points. OK? Je suis vache comme ça. Et là, je vous le dis, vous savez. OK? Donc, vous êtes pratiqué sur vous-même pour vous prendre l'attention. Donc, ça vous dit quelque chose, systolique, diastolique, on n'embarque pas là-dedans. Donc, l'hypertension, une pression systolique plus grande ou égale à 140 mm de mercure et ou, c'est un ou l'autre ou un et l'autre, une pression diastolique plus grande ou égale à 90 mm de mercure. Ce sont quoi les chiffres de référence, les chiffres normaux? 120, 80. Parce que moi, c'est ce que je retiens, en tout cas, là, en général. N'oubliez pas qu'on peut varier à l'entour de ça. Hein. OK? Donc, quand vous êtes en haut de 140 ou en haut de 190 et ou, ici, il faut, en hypertension chronique, que ce soit présent avant la 20e semaine de grossesse, donc précédant la grossesse. Et ça persiste, cette tension-là, après 12 semaines postpartum. Parce qu'on va voir, par exemple, pour l'hypertension de grossesse, qu'après la grossesse, ça redevient normal. Et quelqu'un qui avait un problème avant, après la grossesse, il va avoir un problème. OK? Donc, peut-être primaire, on appelle ça l'hypertension essentielle. Ici, il y a une petite parenthèse que j'ai oubliée. Donc, primaire, donc une hypertension primaire, ça s'appelle l'hypertension essentielle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cause de tomber la pression. Puis l'hypertension essentielle, il n'y a pas personne qui sait pourquoi. Quand vous avez de l'hypertension, on va vous faire tous les tests pour savoir que c'est pas le cœur, c'est pas le foie, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas les phéochromocytomes, blablabla. Si vous avez de l'hypertension puis c'est négatif pour tout ça, vous êtes classé hypertension essentielle. Ça peut être une idiopathie. Il y a une raison, mais on ne le sait pas encore. C'est ça la chose. OK? L'hypertension essentielle, c'est un diagnostic d'exclusion. Donc, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas toutes les autres causes. Donc, vous avez de l'hypertension, donc c'est pas que vous rêvez. C'est parce que c'est ce qu'on appelle le diagnostic primaire d'hypertension essentielle. Et vous avez secondaire à une variété d'autres causes. Des problèmes cardiaques, problèmes de foie, vous avez de l'hypertension. Phéochromocytome, vous avez de l'hypertension et tout ça et tout ça. Phéochromocytome, ça se passe dosé dans mon labo, c'est mon dada. OK? C'est une tumeur qui sécrète de l'adrénaline. Vous savez, cette charmante hormone qui vous fait battre le cœur, là, puis tout ça, que c'est pas très agréable quand vous avez un rush d'adrénaline. Là. C'est pas quelque chose qui. Vous avez envie de. Le cœur vous parle, puis tout ça. Ça, c'est l'hormone de défense. Vous voyez votre conduiteur, vous voyez un tigre, vous voyez votre chum avec une autre fille, je ne sais pas, ça monte, vous ne vous sentez pas bien, puis là vous êtes prête à courir, puis à fesser ou à faire quoi que ce soit, bien c'est ça l'adrénaline. Donc quand vous avez une tumeur qui fait ça, vous sentez-vous comment les gens ils se sentent un petit peu? Ça ressemble à ça. Okay? Donc mais c'est rare, c'est excessivement rare. Mais quand on fait un diagnostic pour poser ça, on doit éliminer cette cause-là qui est très rare, donc on fait le dosage. Ça va? Oui? C'est juste présent avant la 10e semaine de grossesse précédant la grossesse. Oui, parce que. Pourquoi? C'est parce que si la madame arrive à 8 semaines de grossesse, elle peut être en hypertension chronique, mais vous ne le verrez pas si vous prenez sa tension. Parce que vous voyez, votre tension descend à ce moment-là. Avant la 20e semaine, là, la tension descend. Donc, ce n'est pas la tension que vous aviez avant. OK? Donc. Présent avant la 20e semaine de grossesse, précédant la grossesse. Ouais. OK? Présent, c'est présente, c'est l'hypertension qui est présente? Présent avant la 20e semaine de grossesse. Il faut que vous soyez avant, mais c'est parce que vous n'êtes peut-être pas capable de le diagnostiquer, comme je vous dis. Il faut faire attention à ça. Juste faire attention à ça ici. C'est truqué à la 10e semaine de grossesse. Si vous prenez une tension qui est normale, il peut avoir présence d'hypertension, parce que si elle n'avait pas cette hypertension-là, elle serait encore plus basse. Juste faire attention à ça. Ce que je veux que vous reteniez, votre hypertension, elle est présente avant la grossesse. Okay? Mais il y a une fenêtre ici où il est délicat de signer une tension avant. Oui? Si on faisait un timeline, là, mettons, tu sais, fécondé, ça serait 20 semaines avant ou c'est genre fécondé? Ah, le 20 semaines, est-il, c'est à partir de la date des dernières menstruations. C'est 20 semaines là, sur le fameux 40 semaines total. Donc, c'est compté à partir de la date des dernières menstruations. Mettons, date des dernières menstruations jusqu'à 20 semaines. Si j'ai pas une pression qui est élevée, si je suis pas en. Mais si je suis en hypertension, ça veut dire que je risque d'être chronique avant 20 semaines, à partir de la DDM. Oui, si vous avez une hypertension dans cette fenêtre-là, c'est probablement que vous l'aviez avant. Ouais. Par contre, si vous ne l'avez pas, ça ne veut pas dire que vous ne l'aviez pas avant. C'est pour ça que quelqu'un, les jeunes mamans, ils ont. Pas vraiment de raison, parce que actuellement, c'est les jeunes femmes, à part moi qui les ai vécues tard parce qu'on perd notre temps à faire d'autres choses dans la vie, non? Mais on ne sait pas toujours si on avait de l'hypertension avant. Okay? Donc, juste tenir ça. Il y a des gens qui savent qu'ils sont hypertendus, mais ce n'est pas toutes les femmes de 28 ans qui savent qu'ils font de l'hypertension. OK? Juste pour vous dire ça. Mais si c'est de l'hypertension chronique, elle n'avait avant, elle ne savait peut-être pas, mais elle n'avait avant. Puis après 12 semaines, postpartum, elle n'a. OK, ça ne disparaît pas. Ça, c'est l'hypertension chronique. L'hypertension gestationnelle. Donc, la pression systolique est plus grande ou égale à 140, ou la pression diastolique est plus grande que 90, et aucune protéinurie. OK, là, ça peut être un ou l'autre. Okay? Se développe après 20 semaines de gestation chez des femmes connues pour être normotensives avant leur grossesse. N'oubliez pas, on ne sait pas toujours si elle était avant ou pas normotensive. Cette pression-là devrait être élevée en au moins deux occasions. Parce que, comme je vous dis, faites attention quand vous prenez une tension. Ça devrait être moins pire avec vous parce que les clientes se sentent bien, se sentent plus à l'aise. C'est pas quand tu arrives dans le bureau du médecin que tu as attendu 2 heures et tout ça, ou que tu as tué le gros nerf. OK? Mais faites attention pareil. Des fois, quand on sait qu'on va faire prendre un test, c'est nerveux, ça peut monter. C'est pour ça qu'on ne se fie pas à un. OK? Pour ça, je vais juste faire ça, je reviens avec vous. Cette condition disparaît en dedans de 2 semaines postpartum. Sinon, c'est qu'on avait affaire à une hypertension chronique qui était masquée par la diminution physiologique de pression au début de la grossesse. N'oubliez pas, vous ne voyez votre cliente que lorsqu'elle est enceinte. Donc, quand vous prenez cette tension à ce moment-là, vous ne savez pas quelle était sa tension avant d'être enceinte. Vous ne la voyez pas avant d'être enceinte. À moins que ce soit quelqu'un de votre famille, évidemment. Là. Mais à part ça, là, vous ne la voyez pas. Donc, faites attention ici. Risque de se développer en pré-éclampsie. Plus cette condition-là apparaît de façon précoce, plus le risque de se transformer en pré-éclampsie est grand. Mais ça ne veut pas dire que toutes les hypertensions gestationnelles se déclenchent en pré-éclampsie. OK? Mais comme toutes ces conditions-là, vous allez voir, plus ça arrive tôt, pire c'est. Donc, quelqu'un dont vous prenez la tension à 8 semaines de grossesse, elle est déjà hypertendue. Ça veut dire que la baisse de tension que vous voyez habituellement n'est pas suffisante pour masquer ça. La pression est plus importante. Donc, ça, c'est plus à risque. Oui, la question. Pourquoi c'est pas et où? Ça, c'est les diagnostics comme ça. Parce que l'autre devait peut-être être plus fréquent d'avoir les deux. C'est peut-être un ou l'autre. Mais, vous pourriez peut-être mettre un et. Mais ça, ce sont les guidelines. Ça, c'est vraiment. C'est comme ça. Donc, je les ai repris tel quel. Aussi, en fait, on les voit jusqu'à 6 semaines. Fait que si on voit qu'à 6 semaines, ils ont encore une hypertension, est-ce qu'on leur recommande de continuer à décrire leur. Vous continuez, vous les suivez, ces patients-là, les chasseurs avec les chasseurs? Pas jusqu'à ça, non. On arrête à 6. Vous arrêtez à 6 à ce moment-là? On ne les suit pas. On ne les suit même pas. On peut les avoir au début, tu sais, puis on ne sait pas qu'il faut faire de l'hypertension. Il faut le dépister, par exemple. Ouais. Mm-hmm. Mais après ça, une femme là, qui est à 141, finalement, tu l'envoies à l'hôpital. Ouais. Parce que tu ne sais jamais si ça peut être le début d'une pré-éclampsie ou juste une hypertension gestationnelle. Tu sais, si c'est une femme qui est à 37 semaines, là, on va l'accompagner à l'accouchement parce qu'on la connaît, mais sinon, on ne connaît pas. C'est un transfert automatique. Il faut vérifier. Ben, l'attention, je pense que ça fait partie de votre workout de base que vous faites. Oui. Et les protéines aussi dans l'urine, c'est quelque chose que vous faites couramment. Et sur les passages, oui, tout à fait. Deux occasions, il se passe d'au moins. Je veux dire que c'est ça, ici, là, c'est un peu comme le glucose. Hein. On fait pas un diagnostic sur ça. Et si vous voyez votre patiente qui est nerveuse tout le temps quand vous prenez sa tension, il faut toujours prendre ça avec un grain de sel aussi. Il faut trouver une façon. On fait un petit message avant. Ou peut-être de le faire prendre dans une pharmacie ou de vous le faire prendre ailleurs si ça vraiment ça la stresse. Parce qu'il y a des cas où la situation augmente beaucoup la tension. Oui? La pression, elle remonte vers quand à peu près? Quand elle a baissé? Parce qu'au début, elle baisse. Elle baisse. Puis ça remonte vers quand? Ben, en tout cas, à 20 semaines. Normalement, on voit bien, mais elle doit commencer à remonter avant ça. Mais je pourrais pas vous dire, j'ai pas la courbe exactement. Mais on l'a dans l'évabilité. Ah, vous avez? Ouais. Okay. Ah, oui. Je pense que le deuxième, ça commence à remonter. Puis ça prend ça, je crois, ah oui, au deuxième trimestre, ça, je m'en rappelle. OK. Mais après 20 semaines, là, c'est là qu'on commence à voir des montées de pression. Si montée de pression, il y a. Ça veut pas dire qu'une femme pourrait pas monter à 18. N'oubliez pas, à ce moment-là, ça c'est un cas avec un petit drapeau rouge, là. C'est plus précoce. Oui? L'hypertension gestationnelle, c'est la pression systolique ou diastolique, aucune protéinurie? Non, il ne faut pas de protéinurie. Mais le problème, c'est qu'il y a parfois des femmes qui font l'hypertension gestationnelle, mais qui ont, par exemple, l'hématome rétroplacentaire qui saigne à l'intérieur. Mm-hmm. Comment on peut faire pour les diagnostiquer? Pour? Donc, s'il y a des saignements, oui. Bon, s'il y a des saignements, c'est sûr que votre bâtonnet urinaire, là, ça ne marchera pas, là, parce que là, c'est l'hémoglobine. Là. OK? Là, ce ne sont pas, comment je dirais? Non, c'est pas ça ne paraît pas, c'est masqué. On ne peut pas, par exemple, l'hématome rétroplacentaire, c'est là, c'est dans le placenta, ça saigne. Puis, mais la tension, elle va être diminuée parce qu'il y a un saignement. Mm-hmm. Mais la femme, elle fait... Il fait de l'hypertension. L'hypertension. Oui, mais qui est masquée. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des analyses, par exemple? Mais s'il y a un saignement, probablement que la femme va t'en parler, à ce moment-là, tu peux l'envoyer passer. De toute façon, un saignement dans l'urine, vous le détectez. À ce moment-là, il y a des. On ne va pas au bâtonnet, il y a des façons de trouver l'hémoglobine versus les protéines. Ça sort pas. Ça sort pas, c'est ça. C'est par exemple l'hématome rétroplacentaire. J'ai trouvé douleur avec ça. Ça doit. OK. Donc, le beau morceau. Qu'est-ce que la pré-éclampsie? Donc, vous voyez, ce sont les mêmes tensions. Pression systolique en haut de 140, pression diastolique en haut de 90. Et le critère qui est important ici, vous avez une protéinurie. Qu'est-ce que c'est protéinurie? Protéines dans l'urine. Voilà. Est-ce qu'on devrait avoir des protéines dans l'urine? Non. Non? Normalement, non. Qu'est-ce que ça veut dire si on a des protéines dans l'urine? Les glomérules laissent passer, effectivement. Donc, si vous avez de la pression, on peut penser qu'au glomérule, là, on passe pareil. Vous pouvez le voir comme ça si ça vous aide. C'est comme la matière. OK, donc ça, c'est important. Deux façons de le voir. Au bâtonnet, OK? Ou le vrai test, quand on veut le test diagnostique, ça va être une urine de 24 heures. Donc, on va envoyer sa patiente pour faire un test d'urine de 24 heures. Ça, on va voir ensemble quelle est la collecte d'une urine de 24 heures. C'est pas évident, ça a l'air évident, mais ça ne l'est pas. Ceux qui ont déjà fait un test d'urine de 24 heures, c'est pas compliqué, là. Non. C'est pissé. Pourtant, on est tous capables de faire ça. Mais il y a des petites... Yeah, ouais. Mais non, on n'a pas le droit de faire un petit direct dans le pouce. Non, mais j'essaye pareil. C'est donc facile. Mais en tout cas, là, on verra ça. On a eu des cas à l'hôpital qui s'essayent pareil, qui se font brûler pareil le petit bout. Pour ça, maintenant, il y a des étiquettes grosses comme ça avec des têtes de mort. Ouais, ne buvez pas, ne pissez pas dans le pot et tout ça, blablabla. Ah, ah, c'est fou, là. En tout cas, whatever. Mais là, on verra ça. On verra ça quand on fera le cours sur les urines de 24 heures. OK? Donc, dans les urines de 24 heures, il faut 0,3 g ou plus pour être considéré comme une protéinurie à ce moment-là. Vous devez savoir ces critères-là. OK, donc se développe après 20 semaines de gestation chez les femmes connues pour être normotensives avant leur grossesse. N'oubliez pas, si c'était avant, là, on peut avoir une prééclampsie superposée à une hypertension chronique qu'on a vue tantôt. Là, ça, c'est le quatrième cas. Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez de l'hypertension, vous êtes correct, vous n'en ferez pas de prééclampsie. OK? Ça veut dire que c'est deux conditions superposées. On ne sera pas long, je vais juste passer ça, je reviens avec. Bon, l'hypertension à la protéinurie génétiquement apparente dans la dernière partie du troisième trimestre et progresse jusqu'à l'accouchement. Chez quelques femmes, les symptômes apparaissent plus tôt, seconde moitié du second trimestre, alors que chez d'autres, ils apparaissent après l'accouchement ou postpartum. OK? Ça, j'ai été connue pour poser cette question-là. OK? Quand apparaît la prééclampsie? Donc, ça peut apparaître, normalement, c'est dans le troisième trimestre, vers la fin. Plus ça apparaît tôt, moins c'est bon signe. Et une femme qui n'a pas eu de problème d'hypertension, ça peut se déclencher après la grossesse. OK? OK, on classe la prééclampsie comme sévère ou légère. Il n'y a pas de milieu. C'est blanc ou noir. OK, pas de forme modérée. Le taux de filtration glomérulaire diminue de 30 à 40 %. Mais regarde, vous avez ça ici, là. Ça vous dit toujours que votre glomérule, il y a un petit peu de misère ici, là. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que l'insuffisance rénale, donc l'insuffisance rénale, là, c'est que votre glomérule ne filtre plus. OK, votre rein est non fonctionnel. Quand on parle d'insuffisance rénale, on parle de dialyse. Ce n'est pas le cas ici. C'est très, très rare qu'on va se rendre jusque-là. Hyperuricémie, qu'est-ce que ça veut dire? Hyper en haut, uricémie, l'urée dans le sang. Donc, vous avez de l'hyperuricémie. L'édème. L'édème, on peut le voir dans la figure. Donc, la figure va devenir plus ronde. OK? Ce n'est pas de la graisse. C'est les liquides qui viennent se déplacer. Même chose dans les jambes. La jambe peut ne plus avoir l'air d'une jambe, mais d'avoir l'air d'un bloc. OK? Et ça, ça peut amener, on va le voir avec le gain de poids rapide. Un gain de poids rapide n'est jamais dû au bébé. Là. Il ne prend pas 5 livres en une semaine. Là. Il n'y a pas un bébé qui fait ça. On s'entend. Donc, quand vous prenez le poids, ça, c'est une autre mesure que vous prenez. Donc, c'est bien, ça. C'est pas, autrement dit, c'est pas juste quelque chose pour stresser la maman. Là. Tu grossis. C'est une bonne indication, effectivement, qu'un gain rapide n'est pas une bonne chose. Non, mais moi, ça me stressait quand il me disait ça. Vous avez pris de l'or. Tais-toi. Je veux pas le savoir. Vous n'êtes pas obligé. Vas-y. Oui, mais oui, il pèse. Puis c'est mieux de peser. C'est sincèrement mieux. Moi, mon fils, ils l'ont trouvé comme ça. Hein. C'est pour ça que j'ai été dirigée vers les soins intensifs. Tout de suite, parce qu'il a pris 10 livres en une semaine. C'était pas lui, là. C'est moi. Puis la bédaine, en fait, fou! Une semaine, ça n'a pas d'allure, ça. Ah ouais. Donc, ça a été échographie tout de suite. Vous avez fait une prééclampsie? C'était pas une prééclampsie, c'est complètement autre chose. Le bébé, il avait décidé qu'il faisait d'autres choses. C'était lui, là, c'était pas moi. Ah. Mais il me passait son liquide. Ah. Okay, mais ça, c'était une condition rare. On n'en parlera pas, c'est trop rare. Ah. C'est 1 sur 200, 300 000, donc vous ne verrez jamais ça. Ah, quand même. Ben, ça s'appelle comment? Il faisait une séquestration pulmonaire. C'est complètement autre chose. C'est tout simplement que dans son poumon, la lymphe arrivait dans son poumon, écrasait le poumon, déplaçait le cœur. Donc, à l'échographie, il voyait un plus de poumon. Les poumons étaient complètement écrasés dans le cœur thoracique, puis le cœur était complètement déplacé. Donc, c'est pas une condition normale. OK? Bon, mais là, ils l'ont trouvé avec le poids, parce que ma mère dit, bon, là, madame, vous êtes un peu enveloppée d'avance. Oh, mais elle était bien. Moi, j'avais bien aimé ce petit médecin-là. C'était une obstétricienne. Elle était super. Elle dit, je vais vous envoyer par une écho. C'est là qu'ils l'ont vu. S'ils ne l'avaient pas vu, ils seraient morts. C'est pas compliqué. Donc, c'est bien. Moi, j'ai adoré ce médecin-là. Elle m'a très bien suivi. C'est pour ça que j'ai été transférée aux soins intensifs. Ça, c'est moins drôle. Ils sont pas drôles. Mais elle était bien. Mais là, ils l'ont sauvé. Moi, je suis correcte, je suis contente. Là. Mais je veux dire, l'attention n'est pas la même. Ils sont 20 après toi. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, classé, taux de suppression, EDM, on l'a vu, augmentation du turnover des plaquettes, ça c'est toujours présent. On appelle ça la thrombocytopénie. Je ne vois pas ces choses-là avec vous. Vous voyez ça en hématologie. OK? Mais moi, je peux vous le demander. Mais je ne vous explique pas rien de ça. Oui, c'est Augmentation de l'ALT-AST. Donc, vous voyez pourquoi vous avez souffert le cours sur l'AST, l'ALT? Voilà, vous l'avez la raison pourquoi vous demandez ça. OK? Bon, maintenant, ça c'est le cas, c'est textbook case. Vous avez une patiente, elle arrive, elle a exactement ça, c'est facile à diagnostiquer. Pensez-vous que c'est facile comme ça tout le temps? Non. Et ce n'est pas toutes les patientes, je vous le dis tout de suite, qui ont tous ces symptômes-là. OK? C'est pas aussi évident que ça souvent. OK? Mais ça, c'est la description de l'éclampsie. Oui, donc une question pour ça. Est-ce qu'on peut avoir une éclampsie superposée à une hypertension? Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Ben, hypertension gestationnelle, c'est ça. Donc, quand vous avez ça par-dessus, on appelle ça pré-éclampsie. Okay. Donc, oui, par définition, c'est ça. Par contre, l'hypertension chronique peut être supposée à ça. Autrement dit, c'est parce qu'après 20 semaines, vous l'avez. Mais c'est surtout que ça revient après. Dans l'éclampsie, la maman revient à sa tension normale. Alors que si c'était superposé à une hypertension chronique, la tension ne reviendra pas chez maman. Okay? Ici, en pré-éclampsie, après la grossesse, la tension redevient normale. Si la tension n'est pas normale, c'est qu'elle l'avait avant. Oui? Juste deux petites questions. Les urines de 24 heures, on va le voir plus tard, mais c'est quoi? Okay, l'urine de 24 heures, tout simplement, c'est que je vous donne un beau pot. Ah, oh, il est gros comme ça, il y a un gros couvercle. La vie, il y a une grosse étiquette dessus qui est une tête de mort. Et puis, il y a d'acide dans le fond. Très souvent. Pourquoi il y a d'acide dans le fond? Pas pour pas que les gens boivent ou mettent leurs mains dedans. C'est parce que c'est tout simplement pour. C'est l'agent de conservation pour les protéines. Et là, on dit. Là, je vais prendre l'exemple de mon mari. Parce que mon mari, c'est mon guinea pig. Hein, donc, quand j'ai des tests au labo, quand ça va être 24 heures, je dis chérie, j'ai une collègue de 24 heures à venir. Là, il crie, et tout ça, mais il fait. Là, tu dis aux enfants, les peaux jaunes, c'est pas du jus de tomate, vous touchez du jus de pomme, vous touchez pas à ça. C'est maman. Donc là, je donne ma cruche à ma patiente et les instructions suivantes. Et s'il vous plaît, c'est très important, ça a l'air niaiseux, hein? Il a fait pipi 24 heures dans le pot, puis t'es correct. C'est pas aussi simple que ça. OK? Parce que mon mari, qui est quand même pas un ouf, la plupart du temps, hein? Quand il a commencé sa collecte avant que j'y explique, il m'a fait tout croche. Je lui ai dit, chérie, je vais être obligée de t'en ramener là. Donc, les instructions sont les suivantes. Quand on fait une collecte de 24 heures, vous devez uriner complètement. Vous videz votre vessie. Vous ne la récoltez pas. Là, vous partez votre chronomètre. Votre montre. Ce n'est pas à la seconde près, on s'entend. Donc, ce n'est pas le chronomètre que vous avez besoin. Mais si c'est à 8h27, c'est à 8h27. Donc, la première urine va dans les toilettes. Vous n'en avez pas besoin parce qu'elle devient de l'urine de la journée d'avant. Donc, vous devez vider. Après ça, à partir de maintenant, vous allez au supermarché, vous traînez votre cruche si vous voulez faire un petit pipi. Si vous allez chez votre mère, vous avez votre cruche, vous faire un petit pipi. Si vous allez faire du ski, vous la traînez en arrière, vous allez faire un petit pipi, vous en avez besoin. Vous ramassez toutes les urines de la journée. Donc, c'est pour ça qu'habituellement, on ne fait pas ça de jour ou de semaine, parce que ça va mal au bureau d'arriver avec ta cruche et de faire ça dans le frigo avec celle de tes collègues. Parce que normalement, on va dire que l'urine doit être conservée au frigo à 4. Au frigo à 4, ou comme j'ai déjà dit à monsieur, parce que mais je ne veux pas mettre ça dans mon frigo. OK, mais en ce moment, prends pas une glacière, mets de la glace. OK, tu ne la gèles pas, mais je veux que. Parce que sinon, vous avez de l'urine comme ça, qu'est-ce que vous pensez que ça fait à part sentir? Ben, les bactéries vont commencer à se mettre là-dedans, puis vont bouffer ce qu'il y a dedans. Donc, moi, ce que je vais mesurer ne sera plus adéquat. Donc, il y a beau avoir de l'acide pour empêcher justement que les bactéries se lancent dedans. Oui, mais il y a des acidophiles. Il y a bien des affaires, hein? Ce qui fait qu'on est supposé la garder à 4. Et là, disons que vous allez commencer à 8h27 dans la joie et la bonne humeur. Ça veut dire que si à 2h, vous vous êtes levé pour aller faire un petit pipi, vous avez traîné religieusement votre cruche. Donc là, à 8h27, vous avez fait un petit pipi à 8h25, genre à 8h15, on va pas coupé, je suis en 25, là. À 8h15, là, il est rendu 8h27, mais vous devez vous forcer. Parce que c'est 8h27. Donc, à 8h27, vous allez aux toilettes, vous sortez, tout ce que vous pouvez sortir, vous ramassez, vous fermez, et vous amenez ça rapidement, rapidement étant le mot-clé. Pas besoin d'être dans la demi-heure, là, mais vous ne traînez pas ça 2 heures. Vous amenez ça à votre labo préféré qui va vous faire l'analyse. OK? Autre chose à dire à vos patientes, avec quoi récolter l'urine? Parce qu'évidemment, on ne fait pas pipi dans le pot parce qu'il y a de l'acide. Donc, nous, c'est évident. Le trou est comme ça, il faut vouloir en maudit. OK? Pour un gars, ben, c'est facile. Tu rentres le bout dedans. Mais comme je vous dis, il y a eu des accidents où il y a des éclaboussures d'acide qui sont arrivées. Et c'est arrivé. C'est pas pour ça qu'on a des étiquettes grosses comme ça. C'est vrai. OK? Donc, il faut leur dire. Donc là, évidemment, moi, ce que je leur dis souvent, vous pouvez prendre un beau verre en plastique jetable, vous récoltez votre urine, puis après ça, vous le mettez dedans. Ça peut être un verre aussi de cuisine. Là, ils sont là. Moi, il y a des choses bien pires que mes enfants mettent là-dedans que de l'urine. Ça, je les lave après, ça ne me dérange pas. Si vous prenez de la vaisselle comme ça, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de savon. OK? Donc, j'ai uriné dans un verre à boire. C'est pas quelque chose que j'ai pris de mon armoire. Parce que moi, j'ai à vos lave-vaisselle, il faut que je m'assure qu'il n'y a pas de savon. Donc, j'ai rincé ça à l'eau, bien comme il faut, tout ça. Si vous prenez un vieux pot de mayonnaise, s'il vous plaît, il ne faut plus qu'il reste de mayonnaise dedans. Non, je vous dis ça. C'est arrivé. OK? Dans un pot de la confiture, s'il y a pas de confiture, il ne faut pas laver. Si vous lavez, Seigneur, il faut qu'il soit lavé, puis il faut enlever le savon après. Donc, c'est rincé plusieurs fois. C'est pour ça que j'aime bien, moi, dire, et ça serait bien, si vous avez des choses comme ça, d'avoir des beaux choses en plastique, là. Ça, c'est fantastique, puis vous récoltez là-dedans, puis tout ça. Puis moi, habituellement, je garde mon verre toute la fin de semaine à côté de la toilette, puis je vais lui mettre ça tout simplement, là. Oui, ça, t'as pas touché à ça. Non, faut les avertir, hein, ils trouvent ça bien drôle. Parce que les autres, je l'aurais jamais fait faire. Donc, ma collègue déteste faire ça parce qu'elle est comme pisse-minute, elle, va au supermarché, il faut qu'elle traîne la cruche. Moi, je suis capable de me retenir. Là. Je suis capable d'aller faire une bordée de magasinage sans problème. Puis je vais me retenir, c'est faux. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. OK? Donc là, on a fait un beau cours sur les urines de 24 heures. Ça a l'air niaiseux, hein? Mais vous devriez savoir, dans les labos, tous les labos de la province et du monde, dès que tu as urine de 24 heures, c'est dans 85 % mal collecté. Mais regarde, j'avais envie cette nuit, mais je ne me suis pas levée. Wow. Il va juste m'en manquer une, c'est pas grave. La nuit, vous concentrez énormément. Donc, ce qui sort dans les urines de nuit, c'est très concentré. Donc, moi, quand je... Sur un 24 heures, ça se peut très bien que si la première urine, vous ne l'avez pas eue, là, vous êtes complètement en dessous. Parce qu'à peu près, tout va sortir dans cette urine-là. OK? C'est très difficile à bien faire. Puis c'est pas un test, moi j'aime bien que les médecins ils l'essayent, parce que c'est pas facile pour faire pour un patient, parce qu'il faut que tu traînes ta cruche. C'est contraignant à faire. Donc tu ne demandes pas ça juste pour le kick. Je vais faire une cruche de 24 heures, c'est facile, tu as juste à pisser pendant 24 heures. Oui, mais regarde, c'est plus contraignant que ça. Ça a l'air facile à faire, mais je l'ai fait plusieurs fois, moi je le fais régulièrement, parce que quand je le fais faire à mon mari, bien, je le fais aussi, hein, solidarité, parce qu'il ne prendrait pas si c'était juste lui. J'aimerais ça, mais ça ne passerait pas. C'est pas quelque chose qui est le fun à faire. Tu fais ça une fin de semaine, hein, en passant, tu ne fais pas ça sur ça. Oui? Et 2 plus persistance, ça veut dire quoi? 2 plus. Vous avez déjà vu un bâtonnet? Non, je vais vous en amener là, quand on va faire le cours. Il y a des gradations plus, 1 plus, 2 plus, 3 plus. C'est que la couleur du petit carré devient de plus en plus forte. Okay? Mais on s'entend, le bâtonnet, c'est un dépistage. Et le vrai là, c'est le 24 ans. Oui? Après, ça veut dire que les protéines, ça prend toujours lieu, ça prend juste une pression? Habituellement, c'est là. Mais il y a des cas où ça a été détecté. Effectivement. Gardez ça à l'esprit. Par contre, moi, si je vous demande des critères diagnostiques, c'est protéinurie. Vous n'avez pas le choix. Ça rentre dans la description de la maladie. Mais je vous le dis, dans la vraie vie, c'est pas tous les symptômes qui sont là. L'hypertension est presque toujours là. C'est souvent le premier symptôme qui apparaît. Les autres, lui, est là souvent, Mais il y a certains rares cas où il n'est pas là. La protéine. OK, protéine. Mais la plupart du temps, il est là, là. Mais ça se peut, comme je vous dis, que c'est pas toujours clear-cut comme ça. On aimerait ça, hein? Diagnostic n'est pas toujours facile. Les patients ne montrent pas toujours tous les symptômes. Il y a des conditions préexistantes qui peuvent masquer les symptômes. Écoutez, si vous avez une patiente qui a en fait de la protéinurie de base, vous ne la verrez pas si c'est dû à la prééclampsie. OK? Patiente qui est en insuffisance rénale, vous allez avoir de la misère à voir. La condition de la patiente peut changer très rapidement. La prééclampsie, c'est une vacherie comme ça. Elle est bien une journée, deux jours après, elle n'est plus bien. C'est rendu au point où ça va vraiment plus bien. Donc, c'est rapide. Ce n'est pas quelque chose qui s'installe graduellement. OK? Oui? Est-ce que protéinurie et albuminurie, est-ce que ça définit même? Non, ce n'est pas la même chose. La protéinurie versus l'albuminurie, la protéinurie, ce sont toutes les protéines, dont majoritairement l'albumine, mais il y a autre chose. Il peut y avoir des protéinuries où l'albumine est faible. Si vous avez une tumeur de type hématologique, entre autres, là, qui vont faire des GG, vous allez avoir une protéinurie très, très élevée, mais peu d'albuminurie. Donc, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même molécule. Mais dans protéinurie, vous avez l'albumine que vous dosez, mais vous dosez toutes les autres aussi. C'est pour vérifier le fonctionnement durant, alors c'est le... Ah, là, vous êtes bien avec la protéinurie, oui. On ne va pas avec l'albumine, là, ça. OK. Donc, la prééclampsie. Pour avoir une prééclampsie sévère, on doit avoir les critères de prééclampsie plus au moins un des critères suivants. Vous devez les savoir. Symptômes d'une malfonction du système nerveux central. Donc, la patiente a des visions troubles, état mental altéré, maux de tête sévères, incapacitants. OK, maux de tête, tout le monde a des maux de tête. Surtout si vous avez des jeunes enfants. C'est pas parce que vous êtes enceinte, si vous avez des jeunes enfants, vous pouvez avoir des maux de tête. OK, incapacitants. En avant, non? Là, je ne pourrais pas vous dire où est-ce que c'est également. Ça, j'avoue que je ne suis pas allée jusque-là. Mais il faut qu'il soit incapacitant. Tu as de la misère à te lever, tu as de la misère à fonctionner. Un mal de tête qui persiste et progresse en dépit des analgésiques. Vous pouvez avoir ça. Vous pouvez avoir des symptômes de distension de la capsule hépatique. Douleur dans le cadran supérieur ou douleur épigastrique, nausées, vomissements. Donc ça, c'est le foie qui prend des problèmes. Dommages hépatocellulaires, vos transaminases, AST, ALT, augmentent d'au moins deux fois. Thrombocytopénie, ici. Votre protéinurie, regardez bien la protéinurie. Est-ce que c'est le même taux que tantôt? On avait combien tantôt? Non, c'était 3. Regardez, vous êtes à 5 grammes. Quand vous êtes rendu là, c'est un corps sévère. Oui, hein? OK. Oligurie, ça veut dire quoi, oligurie? C'est peu d'urine. OK? Anurie, pas d'urine. Oligurie, peu d'urine. Polyurie, beaucoup d'urine. Donc, quand vous poussez 10 litres, c'est un cas de polyurie. Oui, diabète insipide. Et j'en ai vu. La première semaine où j'ai commencé à travailler, 10 litres. Quoi? 10 litres, ça, c'est 3 cruches. Ah! C'est ça, mais ça s'en était un. Ah ouais? Oui. En 24 heures? Oui, c'est ça. Et elle n'avait pas bu. Elle avait non, pas non, bu. Ben, non, ben, eux autres, ils boivent. Ils ont une tension. Ils ont une propension à boire aussi. Là. Ça va avec. Là. OK? Donc, oligurie. Mais ça, c'était un diabète insipide. C'était pas un diabète de grossesse. OK? Restriction sévère de la croissance fœtale. Édème pulmonaire ou cyanose. Et accident cérébro-vertébral. Cérébro. Aïe, aïe. Bon, donc, si vous avez vos critères de prééclampsie plus un de ces choses-là, on est rendu maintenant en prééclampsie sévère. OK? Qu'est-ce que ça vous dit, prééclampsie sévère? Ben, c'est pire. OK? Donc, les chances de ne pas faire de complications sont moindres. OK? C'est habituellement plus tôt aussi. Bon, maintenant, on va voir les facteurs de risque. Ça aussi, j'aime beaucoup poser la question. Nommez-moi 5 facteurs de risque de la prééclampsie. Je vous le dis tout de suite, les facteurs de risque de la prééclampsie, les facteurs de risque de l'éclampsie sont les mêmes. OK. Vous avez une histoire obstétricale de prééclampsie. Donc, autrement dit, vous en avez déjà subi une. Malheureusement, vous êtes à risque. Les femmes ayant eu des éclampsies sévères ont un risque plus élevé, 25 à 65 fois plus élevé d'en refaire. Okay. Les femmes, okay, c'est une augmentation de risque. Hein. N'oubliez pas, ce ne sont pas des, c'est des augmentations de risque. On est toujours mis ça dans les types de risque. Ça, je ne vous demanderai pas ça en passant. Je vous l'ai dit. Pas le pourcentage. Jamais le pourcentage. Ça ne m'intéresse pas ça. Ce que je veux vous dire, c'est que ça arrive. Les femmes avec des éclaircies légères durant la première grossesse ont un risque de 5 à 7. Donc, voyez-vous, un risque sévère, beaucoup plus de chances d'en refaire que si vous en avez une légère. Les femmes avec une première grossesse normotensive ont un risque de moins de 1 %. Donc, si vous n'en avez pas fait à votre grossesse subséquente, il y a bien des chances que vous n'en refassiez pas. Ça se peut, mais ce n'est pas beaucoup. Fait que ce n'est pas un facteur de risque. Non. Normalement, on dit toujours que quand c'est votre première grossesse, vous avez plus de chances de faire une prééclampsie que si c'est votre seconde. Parce que si c'est votre seconde, vous avez une première normale, il y a très peu de chances que votre deuxième soit normale. Les conditions qui sont les vôtres, qui font que vous faites des prééclampsies, vous les avez ou vous ne les avez pas. Oui? La première grossesse avec ce père-là. OK, avec le père, ça change. OK, parce qu'au niveau de la prééclampsie, il y a une contribution du papa. Donc, si vous avez changé de partner, OK, effectivement, le risque peut être changé. C'est comme si on redevenait à la première. Exact. C'est comme si vous ne l'avez jamais eu. Donc, celui qui crie dans votre salon, il n'est pas là. Dans ce sens-là. OK? Bon. Ici. Une histoire familiale de pré-éclampsie, famille au premier degré. Votre mère en a fait. OK? Moi, ma grand-mère en avait fait, donc ma mère se suivait pour ça, donc elle me l'avait dit. J'en ai pas fait, on ne peut pas tout avoir dans la vie, heureusement. Mais quand même, faites attention aux contributions du papa, ici. Donc effectivement, si c'est un autre papa, donc c'est comme si c'était du niveau pré-éclampsie, votre première grossesse. OK, diabète mellitus, diabète gestationnel, ça augmente le risque. Gestation multiple, augmente le risque. Plus il y a de fœtus, plus le risque est grand. Mais c'est des augmentations de risque. Hein. On s'entend, ça ne veut pas dire que. L'obésité également. Hypertension préexistante, maladie rénale, maladie vasculaire. Donc, il y a déjà des problèmes préexistants. L'âge avancé de la mère. 40 ans, ce n'est pas un âge avancé. Je vous le dis tout de suite. C'est un âge tout à fait respectable. Vous êtes tout à fait jeune, mais pour ça, oui. OK? J'aime toujours mettre la parenthèse. On m'a insulté, moi, cette affaire-là. Donc, avancer ta mère plus de 40 ans, donc à risque. Les adolescentes, moins de 18, des études démontrent qu'ils sont à risque. Mais c'est controversé, il y a des études qui ont montré que ce n'était pas le cas. Donc, ça, encore. Intervalle prolongé entre les grossesses. OK? Aussi. La cigarette réduit les risques de prééclampsie, ce qui n'est pas ici. Une condition pour dire à maman, mais fumer. C'est la seule chose que je connais que la cigarette aide. Ben ouais. Pourquoi ça aide? C'est une question de, probablement au niveau de la. C'est par rapport à l'arrêt tabagique, les femmes qui arrêtent de fumer pour avoir leur niveau de stress augmenté puis avoir une tension. Non, je pense pas. Non, c'est vraiment au niveau de la nicotine et puis peut-être de la vasodilatation. Mais comme je vous dis, ce n'est pas une raison pour une maman qui a des risques de préclampsie de lui dire activement faudrait fumer ou arrêtez pas de fumer. C'est mieux d'arrêter de fumer de toute façon, surtout pour une femme enceinte. Mais ça reste que c'est là pareil. Les risques de la préclampsie. Donc, pour la mère, convulsion, hémorragie cérébrale, édème pulmonaire, déficience rénale. Pas souvent, là, ça revient, par exemple, là, ça revient normal. Il y a des rares cas où c'est resté, mais c'est rare. Hémorragie hépatique, puis la mort. C'est une des causes de mortalité les plus importantes pour une femme enceinte. Et ça reste vrai de nos jours. Maintenant, de plus en plus, parce qu'avant, c'était quoi la première cause de mortalité pour une femme enceinte? C'est les infections. Tu y passais relativement souvent. Si t'accouches à l'hôpital, c'est encore pire. Au début du siècle, là, si t'accouches à l'hôpital, les transmissions de maladies étaient très fortes et souvent. Maintenant, c'est plus le cas, là, évidemment, heureusement. Mais la prééclampsie, c'est réel. Okay? C'est la cause de mortalité la plus importante pour une femme enceinte. pour le fœtus, retard de croissance, hypoxie, acidose, prématurité et la mort également. OK? Donc, ce n'est pas une maladie à prendre à la légère. OK, risque maternel à long terme. Mais évidemment, si vous l'avez eu une fois, vous risquez peut-être de l'avoir dans les prochaines grossesses. Risque cardiovasculaire. OK, ce que ça veut dire ici, il faut faire attention. Si vous avez eu une pré-éclampsie, c'est que vous avez des conditions qui vous favorisent, si on veut, l'apparition de d'autres pathologies. Donc, ce n'est pas la pré-éclampsie qui cause des risques cardiaques. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que vous avez une condition qui cause des risques cardiaques, mais qui peut aussi causer la pré-éclampsie. Okay? C'est le problème de vascularisation. Donc, la pré-éclampsie est un prédicteur de maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Donc, l'hypertension, les maladies cardiaques ischémiques, les infarctus, les thromboembolismes veineux. Donc, si vous avez une pré-éclampsie, ce sont des problèmes de vascularisation. Donc, vous êtes plus à risque des autres. Ce n'est pas la pré-éclampsie qui déclenche ces problèmes-là. OK? Le risque est celui de développer entre 50 et 59 ans chez une femme sans pré-éclampsie tous ces problèmes-là. Normalement, donc pour nous, pour par exemple, moi qui ne l'ai pas fait, ça peut être de 8,3%. Une femme avec pré-éclampsie, vous voyez, ça monte à 17,8. Ça augmente son risque. Et n'oubliez pas, on joue ici dans les facteurs de risque. Ce n'est pas de l'absolu. Il y a une relation entre la sévérité de l'éclampsie et son risque. Quelqu'un qui a une pré-éclampsie légère tardive avec une grossesse suivante normale n'a pas de risque cardiovasculaire accru. Par contre, quelqu'un qui l'a fait très tôt, qui l'a fait sur ses deux grossesses, a plus de risque de développer des maladies cardiovasculaires. Donc, risque d'insuffisance rénale terminale, augmentation du risque, mais risque absolu faible. Donc, on fait attention. Si on augmente le risque, disons que vous avez un risque de 0,002, puis ça monte à 0,007, les gens vont dire augmentation du risque. Mais ça reste 0,007, comprenez-vous? La différence, quand vous parlez en facteur de risque, il faut faire attention. Pour une population, ça joue, mais sur une personne, c'est moins. Cancer, aucune association significative avec le cancer, et puis il y a certaines études qui semblaient essayer de connecter, mais ça reste flou. Oui? Je reviens à la diapositive avant. Oui. L'hémorragie cérébrale, est-ce que c'est causé par des convulsions chez la mère? Pas nécessairement. Ça serait causé par quoi? Par le fait que les plaquettes sont occupées ailleurs, donc ça ne coagule pas, mais après ça. Il y a une question aussi de dilatation, de vascularisation. Au cerveau, il n'y a pas d'oxygène qui s'est rendu. Il y a un paquet de choses qui fait que okay. Tu peux faire ça. Mais bon. Mais ça fait qu'il y a des artères, des veines qui vont péter. Vous pouvez avoir de l'hémorragie s'il y a tellement de pression que le vaisseau peut lâcher aussi. OK. Il y a ça. OK? Oui? Les risques pour la mort du fœtus, c'est vraiment pour la pré-éclampsie. Mais toi, quand on a juste une tension haute, ça ne sera pas du tout les mêmes. Non. Donc, ça, c'est la pré-éclampsie. C'est vraiment ça qu'on surveille. L'hypertension gestationnelle, si on se rend assez tôt et puis il n'y a pas de protéines dans l'urine puis il n'y a pas les autres choses, ça ne devrait pas. Mais on s'entend que si ça devient massif et qu'il n'y a pas eu de protéines, c'est peut-être qu'il y a eu d'autres choses aussi. Donc, plus la pression est élevée, plus les risques sont élevés. J'ai juste la peine à comprendre. Si la pression est augmentée, il me semble que ça ne devrait pas faire de l'hypoxie fœtale. Il y a plus d'apport sanguin. OK. Là, c'est la pression chez maman. C'est pas la pression chez bébé. Ouais. Okay. Si maman a fait de l'hypertension, ça peut être de la vasoconstriction, ça peut être de la vascularisation qui ne se fait pas. Et là, à ce moment-là, bébé ne peut pas avoir ça. OK? Il faut faire attention à ça. Ce n'est pas nécessairement de la tension que ça pousse le sang en plus, que ça circule mieux. Habituellement, ça ne marche pas dans ce sens-là. Oui? L'insuffisance rénale terminale. Ça, c'est on a besoin de dialyse. Le rein est fini. Le rein est fini, c'est ça que ça veut dire, OK. C'est ça, une insuffisance. Donc, on a presque fini, mais ça, je vais vous laisser aller au brin. Le traitement de la pré-éclampsie, vous devez le savoir, hein, il y en a un. Une cure, c'est l'accouchement. OK. Mais, avant de se rendre là, OK, repos au lit, diète avec restriction sodique. Bien évidemment, pourquoi? Parce que vous savez que le sodium est vu par le système rénine-angiotensine-aldostérone et tout ça, et ça augmente la vasoconstriction. Puis là, vous ne voulez pas ça. Donc, on va réduire ici. Le sulfate de magnésium. Le sulfate de magnésium, c'est ce qu'on donne pour prévenir les convulsions. Donc, ça, ça va être surtout chez les mamans éclamsées qu'on va donner ça. Ça peut être demandé si on voit ça. La seule cure est l'accouchement. Là, votre test de maturité fœtale de tantôt, il y a une couple de tantôt, là, quand même. Mon tantôt n'est pas ici, là. Il est quand même une couple de semaines avant. Mais là, ça peut être intéressant. Donc, vous suivez une maman avec de l'hypertension. Et le fœtus est jeune. Vous savez que la maman, l'hypertension va empirer. Jusqu'à ce que, à un moment donné, ça devienne dangereux. Donc là, c'est intéressant, dans un cas comme ça, de savoir, est-ce que je peux le sortir? Écoutez, s'il est prêt à sortir, je ne vais peut-être pas attendre autant. Mais on s'entend à un moment donné, quand on est en train de perdre maman, on va déclencher l'accouchement. Mais le test de maturité fœtale ici est très important dans ce suivi-là. Oui? Mais est-ce que c'est pourquoi c'est la prétention? Oui, j'ai quelques diapos. Okay. C'est pas connu exactement, mais il y a des théories. Je vous ai mis des belles diapos. Okay. On va voir ça. Préclampsie peut progresser rapidement. Et n'oubliez pas, quand on dit rapide, c'est rapide. Vous avez vu la maman il y a deux jours après, ça ne marche plus. Ça se peut, ça. C'est rapide comme ça. OK? C'est pas toujours progressé. Vous n'avez pas toujours le temps de le voir venir. OK? Accouchement rapide devrait être fait si l'éclampsie est imminente. Là, vous êtes en pré-éclampsie, c'est pas si pire. En éclampsie, on va le voir, on rend... Là, il y a des complications qui embarquent par-dessus ça. Là, vous avez des convulsions, là, chez la mère et tout ça. Des hémorragies cérébrales, avec toutes les atteintes qui peuvent être permanentes ou pas. Donc, il y a des choses graves qui arrivent en éclampsie. Avant ça, on va déclencher l'accouchement. Dysfonction de plusieurs organes, son foie est mort, c'est pas permanent, mais il a arrêté de fonctionner, les reins arrêtent de fonctionner, ça arrive sur le coup, il faut déclencher. Détresse fœtale, ça va pas bien. Pré-éclampsie sévère, après 34 semaines ici, on fait, quand vous êtes en sévère ici, là, 34 semaines, le bébé, on prend une chance qui est correcte, puis on sort. On pré-éclampsie sévère. Vous avez vu, vous vous rappelez les critères de pré-éclampsie sévère? Si vous en rappelez pas maintenant, c'est pas grave, mais à l'examen, vous devez les savoir. OK? Là, à ce moment-là, on va accoucher tout de suite. OK, plusieurs théories. Là, je me suis aperçue que dans vos feuilles, vous avez deux fois la même. Alors qu'ici, j'avais juste une fois. J'ai pas compris l'astuce, mais en tout cas. Donc, plusieurs théories sur les causes de la pré-éclampsie. Ce sont des théories. La cause n'est pas connue. Donc, ce sont des théories. Il y a des études qui ont montré que c'était peut-être une réaction allergique à un ou plusieurs antigènes. Peut-être. Une déficience en calcium ou en antioxydants. Une inflammation. Il y a un processus inflammatoire très probablement qui est là-dedans. La théorie qui est favorisée pour l'instant, c'est qu'il y a des facteurs qui sont libérés par le placenta, donc c'est le placenta le coupable, ici, qui résulte en un dommage aux cellules endothéliales de la maman. OK, ça, c'est la théorie qui est présentement favorisée. C'est un processus d'angiogénèse qui est en cours à ce moment-là. Oui? Réaction allergique à plusieurs antigènes, est-ce que ça peut être HLA? Je ne sais pas exactement, je n'ai pas sorti les études sur quel antigène ça pouvait être. Mais je ne sais pas s'il y a des liens avec les HLA. À ce moment-là, ça veut dire que les gens qui ont des maladies comme le diabète, le lupus et tout ça seraient plus à risque de diabète, de l'éclampsie. Je n'ai pas vu ça. Donc, je ne sais pas allergie à quoi exactement. Mais comme je vous dis, ce n'est pas celle qui est... Ça, c'est une diapo que vous avez. Je suis sûre que vous l'avez, mais elle est plus loin, je crois. Non, elle est plus loin. OK, vous savez c'est quoi l'angiogénèse? Avez-vous déjà entendu parler de ça, Georges? C'est le là-bas. Non. Docteur Béliveau qui passe à télé, on peut mettre ça dans le jeu. L'angiogénèse, c'est la. L'angiogénèse, c'est un processus qui est tout à fait utile, qui est la formation de nouveaux vaisseaux. Donc, évidemment, un fœtus en formation, l'angiogénèse, ils aiment beaucoup ça. La réparation des tissus aussi. Il y a d'autres choses qui aiment l'angiogénèse, mais on ne rentre pas dans ça aujourd'hui, mais les tumeurs. les tumeurs cancéreuses, hein, l'angiogénèse, ils contrôlent ça très bien parce que justement, ça amène le sang à la tumeur et ça permet à la tumeur de grossir, de produire, de devenir de plus en plus grosse. Donc, l'angiogénèse, c'est un processus qui est contrôlé. C'est d'ailleurs un des processus qui prend le bord là, chez les cellules tumorales, justement pour aider la tumeur à grossir. Bon, mais ici, l'angiogénèse, quand on parle au niveau du placenta, bien, ça peut être intéressant, hein? Le bébé, il en a besoin d'angiogénèse, absolument. Il doit faire sa circulation. Donc, les trophoblastes du placenta, ils produisent des facteurs, plusieurs facteurs. Vous savez, le placenta, c'est un gros producteur de bénéfices. C'est très, très actif, un placenta. Ça a sa carte de membre dans plusieurs associations et ça produit activement. Donc, ça, je ne vous demande pas d'apprendre ça. Ce n'est pas un examen. OK? Je vous l'explique. Quand j'ai été à un congrès cet été, puis c'est la première fois que j'entendais parler de ça, puis j'étais toute excitée. Ce que je vous dis pour ça, c'est parce qu'il y a des nouveaux tests biochimiques qui arrivent sur le marché avec ça. Donc, ils ne sont pas là présentement, mais peut-être un jour, vous allez les voir. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. OK? Donc, le VEGF, le PIGF, le PIGF, et puis le SFLT1, donc, ce sont le Vascular Endothelial Growth Factor, le Placental Growth Factor, et le Type 1 Receptor, ou le VEGF. OK? Ce sont des facteurs qui sont produits par le placenta. Le VEGF et le PIGF, ce sont des pro-angiogéniques. Pro-angiogéniques favorisent la formation de vascularisation, si on veut. C'est bon, la vie est belle, fantastique. De toute façon, votre placenta, il doit dire à maman, OK, fais des connexions avec moi, il faut qu'on se parle. J'ai besoin de ton stock. Donc, c'est sûr que ça va en faire. Mais il y a toujours une limite. Il faut une balance entre les deux. Et puis, le SLF1, lui, c'est un antagoniste. Un antagoniste, c'est quelqu'un qui a l'effet contraire. Donc, il a un effet anti-angiogénique. Et dans une grossesse normale, il y a une belle balance entre les deux. Et dans la pré-éclampsie, la balance prend le bord. OK? Ils se sont aperçus que le SLFT1 en circulation est augmenté dans la pré-éclampsie. Donc, c'est-à-dire que celui qui antagonise l'angiogénèse, donc celui qui empêche l'angiogénèse, est augmenté en pré-éclampsie. Mais c'est un peu normal, vous voyez, c'est un truc de vascularisation. Là, vous empêchez la vascularisation avec ça. Chez les rats enceintes, la rate ici, là, c'est pas la rate, c'est la... c'est, on fait pas ça sur les femmes enceintes, hein? On en dissèque une, on regarde ce qui se passe. Ils font ça sur les rats, hein? Ça, c'est de la recherche, ici. Choisis au hasard. Comme ça. Toi! Population aléatoire. OK? Donc... si vous lui donnez du SLF1, ça va causer de l'hypertension, de la protéinurie et des lésions rénales. OK? Et puis, on sait que chez l'humain, par exemple, on a besoin du PG, du PIGF et du VEGF également chez l'humain. Parce que, comme je vous dis, on fait les tests chez les rats. Là. C'est bien beau, les rats, mais l'humain, c'est pas pareil. Donc, ils sont impliqués. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi? Juste pour vous embêter. Non. C'est qu'il y a maintenant des grandes compagnies de diagnostic, donc dans les laboratoires, ces tests-là, ils sont disponibles en Europe présentement. Au Canada, je pense qu'il y en a deux qui sont autorisés par Santé Canada. Aux États-Unis, ce n'est pas encore fait, parce que FDA, c'est un petit peu plus long. Mais ce sont des tests qui sont disponibles sur les plateformes de vos laboratoires préférés, si c'est demandé, évidemment. Donc là, c'est surtout sous forme d'études. Le but de ça, c'est d'être capable d'avoir un test sanguin chez la maman. D'être capable de dire, oui, elle n'a peut-être pas toutes les caractéristiques, mais elle est en pré-éclampsie. Non. Donc, présentement, je vous le dis, ce n'est pas au point. Mais là, il y a des études qui se font. Si je prends la combinaison de ces tests-là avec tel ratio, est-ce que c'est un bon prédicteur de elle? Oui, elle a de l'hypertension, ça va se développer en pré-éclampsie, donc avant. Est-ce que je peux la laisser aller ou est-ce que je déclenche son accouchement tout de suite? C'est l'utilité de ça. Donc, présentement, ce n'est pas disponible. Mais plus tard, quand vous suivrez la littérature, j'espère, OK, c'est peut-être un test qui peut être intéressant. Donc, pour une femme en hypertension, est-ce qu'elle va développer ou non une pré-éclampsie? C'est pas rendu là, présentement. Les études ne sont pas là. Mais ça s'en vient. OK? Okay? Donc, c'est le marqueur qu'on cherche. C'est quand même la cause de mortalité chez la femme enceinte dans les pays industrialisés le plus fréquent. Oui? Quand on parle d'antagoniste, c'est quelque chose qui fait... bloque l'action. Bloque l'action. Un antagoniste, c'est quelque chose qui bloque l'action. Un agoniste, c'est quelque chose qui fait la même action. Ouais, c'est ça. On va voir ça dans les drogues. C'est les antagonistes inverses. Oui, c'est ça. Donc, un agoniste, une drogue qui est un agoniste d'un neurotransmetteur, c'est qu'elle prend la place du neurotransmetteur puis elle fait son action. Oui? On a dit que ça évolue vite après l'éclampsie. Est-ce qu'on peut dire à la femme d'être vigilante sur certains symptômes? Oui, probablement, oui. Ouais. Puis vous devez la suivre. Peut-être prendre sa pression régulièrement ou des choses comme ça, je ne sais pas. Mais oui, effectivement, c'est très rapide. Là, c'est la dernière qu'on fait. Après ça, on va prendre le petit break. Ah, elle a été déposée. Donc, préclampsie légère, on l'a vu. L'étape après. OK. Ce que ça ne veut pas dire, c'est que vous passez par là, vous faites ça, comme ça, vous allez là, puis vous arrivez là. OK? Quelquefois, vous avez ça directement. Ça peut évoluer à ça. Ça n'évolue pas nécessairement à ça. Quelquefois, vous avez ça, mais vous n'avez pas eu ça. Quelquefois, vous avez ça, mais vous n'avez pas eu ça. Mais ça, ce sont des formes sévères de maladie hypertensive. Oui, on ne les a pas eues parce qu'on ne les a pas vues. Non, ça, c'est vous les voyez. Ça, quand vous l'avez vu, vous le voyez. OK? Mais ça ne veut pas dire que l'éclampsie, quelqu'un qui a une crise d'éclampsie n'a pas nécessairement fait de pré-éclampsie. Tu peux, normal, à l'autre direct. Parce que des fois, c'est juste tu ne l'as pas vu passer. Quelquefois, tu ne l'as pas vu passer, mais quelquefois, c'est direct. Okay. Il y a des femmes qui ont eu des éclampsies qui n'ont pas eu de pré-éclampsie. Elles sont tombées à l'éclampsie directement. Mais d'abord, les flèches... Parce que souvent, si vous avez ça, ça peut aussi dégrader en ça. OK? Mais ça ne veut pas dire que vous suivez nécessairement ça. Ça peut apparaître n'importe où. OK? Et la pré-éclampsie peut se transformer en éclampsie. Mais ça ne veut pas dire que la pré-éclampsie légère va nécessairement faire celle-là. OK? Donc, j'ai mis une flèche ici. Mais il faut prendre ça avec un grain de sel. Ça peut évoluer vers ça. Mais ça ne veut pas dire que si vous avez une éclampsie, vous auriez dû voir ça. Quelquefois, non, vous ne le voyez pas. Puis c'est quoi déjà le HEL? Le R, on va le voir tantôt après la pause. OK. Donc, vous allez prendre une pause de 20 minutes. Donc, on a vu la pré-éclampsie. La pré-éclampsie légère, on a vu la pré-éclampsie sévère, donc vous êtes capable de me dire la différence entre les deux et tout ça. À l'examen, là, je ne vous le demanderai pas là. Là, maintenant, on va voir les deux autres cas, l'éclampsie et le syndrome L. OK, donc l'éclampsie... vous avez le contexte de préclampsie, c'est-à-dire la tension, vous avez la protéinurie, mais en plus de ça, vous avez manifestation de convulsion et ou de trauma qui embarque par-dessus ça, en l'absence d'autres conditions neurologiques. Si la femme était sujette avant à faire des convulsions, par exemple peut-être une patiente épileptique ou des choses comme ça, c'est pas la crise d'épilepsie, là. Donc, il ne faut pas que ça soit dû à son symptôme, mais c'est en plus de ça. La crise éclampsique peut se produire chez 0,5% des femmes qui ont une pré-éclampsie légère, chez 2 à 3% des femmes avec une pré-éclampsie sévère. Donc, vous voyez que c'est pas aussi fréquent que la pré-éclampsie. N'oubliez pas, hein, je vous apprenais pas les pourcentages. C'est juste pour vous donner là, un peu... si ça se produit rapidement ou non. Donc, c'est de 4 à 6 cas pour 10 000 naissances dans les pays développés ou 6 à 100 cas pour 10 000 naissances dans les pays en voie de développement. OK? Donc, ça, c'est à peu près les proportions qu'on retrouve pour la pré-éclampsie. Les facteurs de risque sont similaires à ceux qu'on retrouvait chez la pré-éclampsie. Vous m'en nommez 3, juste comme ça? L'âge avancé, obésité. Oui, l'obésité. Âge avancé, obésité. Malgré les avancées de la détection et la prise en charge, l'éclampsie et la pré-éclampsie demeurent une cause de mortalité maternelle. Donc, même de nos jours, ce n'est pas quelque chose là, qui a malheureusement changé. OK, complications. Les complications de l'éclampsie. Donc, évidemment, la femme a des convulsions ou un coma. Donc, traumatisme, évidemment, si elle a ça dans un haut d'un escalier, tout ça, vous voyez que ça peut amener d'autres traumatismes. Morsure de la langue, comme pour toutes les crises épileptiques, c'est la même chose. Hypoxie avec acidose, augmentation de la pression intracrânienne, hémorragie intracrânienne. Rupture hépatique, donc ça, c'est la capsule du foie qui lâche. Le syndrome HELLP peut embarquer là-dedans. Édème aigu des poumons. Traitement mère et fœtus, assurer l'oxygénation, contrôle de la pression avec des antihypertenseurs. Les antihypertenseurs, en passant chez une femme en pré-éclampsie, ça ne donne pas de résultats sur les complications. Ça améliore pas ça diminue pas les risques de tomber en éclampsie, genre. Aussi, mais pour le bébé, vous savez, là, les conditions qui peuvent affecter le bébé et tout ça, ça ne diminue pas ces risques-là. OK? En passant, je ne vous l'avais pas dit, là, mais c'est les nouvelles données qui ont l'air d'annoncer ça. Donc, stopper les convulsions, on va donner les anticonvulsivants, OK? Prévenir la récidive le plus possible, maintenir la perfusion placentaire et rénale, puis on déclenche l'accouchement dans les 48 heures. Habituellement, en éclampsie, on n'attend pas, OK? Oui? C'est quoi l'intérêt de donner des antihypertenseurs si en fait ça donne rien? C'est parce que là, c'est un cas beaucoup plus grave. Parce que la mère, elle, faut empêcher la rupture hépatique puis les problèmes rénaux. Donc ça, c'est pour maman, là. C'est pas pour bébé. Mais c'est en éclampsie. Éclampsie. Que ça donne de quoi, finalement? Mais pas oui, pré-éclampsie. Oui, parce que là, c'est rendu grave. La pression est tellement haute chez maman, avant que maman ait des problèmes, avant qu'il y ait rupture et hémorragie dans le cerveau de maman, on va essayer de diminuer la pression rapidement. Ça n'aide pas le fœtus. Mm. OK? Là, c'est maman. OK? Est-ce que habituellement, les accouchements sont possibles en éclampsie, même avec les convulsions, puis avec ils vont y aller par césarienne à cause de la rapidité. Est-ce qu'ils attendent, parce que là, c'est des cas d'urgence, est-ce qu'ils attendent la détresse fœtale et tout ça, je ne sais pas. Okay. Quand c'est déclenché rapidement. Mais j'avoue que je n'ai pas de données pour ça. Seulement, j'ai toujours entendu que c'était déclenchement, là, parce que souvent, c'est parce que l'acclenchement, l'accouchement n'est pas imminent, là. C'est ça. Fait que c'est une césarienne. Habituellement, c'est césarienne. Mais je ne sais pas s'ils attendraient pas, s'ils étaient. Parce que ça peut se déclencher pendant l'accouchement, malheureusement, puis ça peut se déclencher après l'accouchement aussi, hein? Vous savez ça? Mm-hmm. Oui, ça, c'est important. Ça peut arriver. Donc là, évidemment, les dommages sont pas au fœtus, sont à la mère, là, mais ça peut arriver. Oui? Est-ce qu'on sait à quoi sont dues les convulsions? J'ai pas vu pour ça. Ça a rapport probablement avec un manque d'oxygénation au cerveau, dans certaines zones du cerveau. Les dommages hépatiques, c'est ça. C'est vraiment parce que c'est une maladie hypertensive. Et puis, si certaines zones du cerveau qui ne sont pas oxygénées, bien là, évidemment, il va y avoir une perte de fonction à ce niveau-là. Oui? La ligne noire, là, c'est quelque chose qu'on a... souffrance fœtale aiguë. Je ne l'ai pas vu, là. OK. C'est pas un traitement. Ça, c'est en cas de traitement, en cas de... Non, on n'inflige pas de la souffrance. Fœtale aiguë, non. Non, non, c'est pas... C'est pour ça qu'on ne le voit pas là. Tu vois, ça n'a pas d'avis. Parce que moi, il est en rouge ici. C'est pas un traitement. En cas de souffrance fœtale aiguë, on déclenche l'accouchement dans les 48 heures, c'est sûr et certain. C'est probablement, ils vont ensemble, les deux derniers. Probablement, ils vont ensemble, effectivement. Mais la plupart du temps, comme pour la pré-éclampsie, le seul traitement, c'est l'accouchement. Une petite chose bizarre que j'ai, ben c'est pas bizarre, mais qu'est-ce qui, pour la pré-éclampsie, c'est comme ça. pour la pré-éclampsie, l'éclampsie probablement aussi. S'il n'y a pas de bébé, s'il n'y a pas de fœtus, il y a un placenta, on peut avoir ça. Okay, c'est vraiment le placenta qui est la cause de ça. Mais j'avais trouvé ça bizarre. Tu parles des études, toi. Ça doit être ça chez les rois, ces affaires-là. Je ne parle pas d'Alex. OK. Fait que pas les colocasses, non? Mais les autres machins qu'on peut avoir. Les moules? Oui, les moules, ça peut faire de ça. Ça aurait pu, oui. Mais habituellement, une moule, on la voit pas jusque-là, là. OK, c'est quoi le fameux syndrome HELP? HELP, c'est pas pour HELP, pour aide, là, de toute façon, il y a un aide de trop, là. C'est pour hémolysis, elevated liver enzyme, low platelet count. OK, ça vous dit exactement qu'est-ce que ça fait. OK, donc vous avez hémolyse, vous avez une cytolyse hépatique, vous avez une thrombocytopénie. Incidence, 1 à 2 % pour 1000 grossesses, 10 à 20% des femmes avec une préclampsie sévère. Majorité des cas diagnostiqués entre 28 et 36 semaines. 70% avant l'accouchement, 30% postpartum. OK, jusqu'à 6 jours après. OK? Donc, quand vous suivez maman, elle a accouché normalement, ça va. Puis vous avez ça ici qui arrive, là. Ça, on peut le déclencher après. C'est qui l'année passée, une de mes étudiantes qui me disait que dans une émission de médecin à la télé, le House, docteur, je ne sais pas pourquoi. Il y en a une qui était morte, la patiente, et puis c'était à cause de ça. Mais j'ai dit, donc, ça tombait bien, là, ça a l'air que ça n'a pas passé en même temps cette année, comme on dit. OK? Les complications peuvent mettre en danger la vie de la mère et du fœtus, édème pulmonaire, déficience rénale aiguë, rupture du foie, hypertension présente ou non, protéinurie minimale. OK, test à demander chez toutes les femmes avec hypertension gestationnelle, pré-éclampsie ou autre. Vous avez la formule sanguine pour pouvoir voir ça. OK, c'est quelque chose que vous pouvez prescrire. AST, ALT, ALT, LDH bilirubine, parce que là, vous avez vos enzymes de foie ici. C'est pour ça que vous pouvez prescrire ces enzymes-là. Parce que sinon, vous ne suivez pas, vous, de maladies hépatiques, de cirrhose du foie, de foie gras ou de trucs comme ça, de trucs au foie, là. Le seul autre test pour les femmes enceintes, c'est un test que vous ne prescrivez pas, c'est les acides biliaires. Donc, c'est pour ça. Donc, toute la raison de suivre les enzymes hépatiques, c'est pour ces syndromes-là. OK? Chez une femme en pré-éclampsie, vous faites attention, elle. OK? Oui, c'est ça, avec l'instance, là, une à deux pour 1000 grossesses, c'est chez les femmes en pré-éclampsie. Oui. Oui. Non, c'est pas aussi fréquent que ça. Hein. Mais n'oubliez pas, une femme que vous n'avez pas vue de pré-éclampsie, puis tout ça, qui a accouché, puis si elle se ramasse quelques jours après avec des symptômes comme ça, c'est ça, là, le syndrome L, qui peut arriver postpartum. Faites attention à ça. Sans pré-éclampsie. Sans préclampsie ou qui n'était pas détectée. Ah, okay, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas, mais si elle n'était pas suivie, elle n'était pas détectée, vous pouvez avoir ça ici qui arrive en postpartum. Okay? Oui? Est-ce que être enceinte ou d'un enfant qui a le syndrome de je peux porter à ça? Parce que je ne penserais pas qu'il y a de relation. Je pense que c'est parce que le syndrome de Down, on voit ça, il y a une relation avec le bêta HCG, mais avec la vascularisation, j'ai pas vu quelque chose comme ça. Oui? Est-ce que c'est ce syndrome-là qui a comme 30% de mortalité? Ça, oui, ça c'est assez, oui. Ça en est un qui est... L'éclampsie aussi, hein, c'est pas... quand c'est pas... C'est des choses... C'est général. C'est sûr qu'il y a plus de pré-éclampsie qu'il va y avoir de syndrome HELP, heureusement. Mais c'est. Oui. Oui. Le qui était avant? Oui. C'est juste pour être clair. Est-ce que le HELP peut. On peut l'avoir indépendamment d'une pré-éclampsie? Oui. OK, c'est ça. La conférence que vous avez été voir cet été sur la pré-éclampsie, c'était quoi? Est-ce qu'il doit y avoir un site qui en a parlé? C'était pas une conférence sur ça, c'est une conférence de biochimistes cliniques, c'est American Association of Clinical Pathology. Et puis moi, je m'étais inscrite là-dedans, parce que je choisis, mais vous n'aurez pas ça, il faut aller payer. C'était en plus de la conférence, donc ils me chargeaient 125 $ pour que j'aille voir ça. Donc, non, je ne pense pas que ce soit sur Internet. j'ai les papiers de la conférence. Ça vous intéresse, je pourrais les amener la dernière fois parce qu'à ce prix-là, ils m'ont donné un petit cahier. C'est ça, mais moi, j'y vais souvent sur la conférence. Puis quand il y a des choses sur la pré-éclampsie ou sur les dépistages prénatales, j'y vais. Capoté. Ben oui, ça ne me sert pas dans mon. Mais comme je donne un cours là-dessus, oui, j'aime ça me tenir au courant. Mais moi, je n'ai pas de clientèle. J'ai pas de clientèle de femmes enceintes, effectivement, dans ma pratique régulière. Oui? C'est quoi l'incidence pour les femmes qui ont eu rien? Oh mon Dieu, ça, je ne sais pas. Ça, il faudrait que je voie. Je ne l'ai pas. On voit que c'est 10 à 20 % des femmes avec une éclampsie légère, mais de celles de sévère. Donc ça, c'est déjà pas très élevé. Hein. Mais je sais qu'il peut se déclencher chez une femme qui n'avait pas été diagnostiquée comme. Est-ce que c'est parce qu'elle n'avait pas été diagnostiquée ou parce qu'elle n'avait pas démontré les symptômes? Ça, c'est deux choses. Des fois, c'est difficile après de voir si. Parce que comme on l'a vu, la pré-éclampsie, c'est pas tous les cas que c'est textbook où il y a tout, tout, tout. Il y a ça aussi qu'il faut faire attention. Mais 1 à 2 pour 1000, c'est toute grossesse confondue? Non, je pense que c'est grossesse avec hypertension. Ah, mais ça, oui, les maladies hypertensives. Parce que c'est relativement gros ici. Là. Donc, c'est peut-être les femmes avec une préclampsie. Parce que je trouve ça très. C'est gros. 1 à 2 pour 1000, là, c'est élevé. Là. C'est le même chiffre que 10 à 20 %. Oui, c'est ça. 1 sur 1000, ça fait 10 à 20 %. Bon, ah, ben non, ça fait 0.5. Ça ferait 100 pour 1000 si tu as dit ça. Donc, ça, c'est probablement chez celles là, qui ont des problèmes, des problèmes hypertensifs. Parce que ça m'étonnerait que ça soit dans la population à large. C'est trop élevé comme chiffre. Mais on suit une femme après son accouchement. Si ça ne va pas, c'est des tests que vous pouvez demander. N'oubliez pas ça. Toujours le garder à l'esprit. OK? Parce que ce n'est pas des petites choses, là. Je veux dire, le foie, rupture du foie, problème rénal et tout ça, elle ne se sentira pas bien, là. Hein? Donc, c'est à voir. Oui? Les labos de biochimie, est-ce qu'ils fonctionnent la nuit puis la fin de semaine? Oui. Vous demandez à toutes les techniciennes qui sont là, le soir, la nuit, la fin de semaine. Oui, garde de camp. Super. Il y a toujours un biochimiste de garde. Présentement à Saint-Luc, s'il m'appelle, c'est moi qui le garde. Bon, je suis branchée. Je suis donc chanceuse. Mais là, j'ai un résident qui prend mes appels avant moi. C'est juste s'il n'est pas capable, tu vas m'appeler. Mais normalement, oui, il y a toujours, toujours, toujours quelqu'un. Pour les tests d'urgence aussi. Ouais, c'est ça. Quand vous avez un test STAT et vous l'indiquez, STAT, ça va se faire. Faites attention aux STAT et aux STAT qu'on appelle administratifs. Parce que certains médecins, ils sont STAT, ils veulent l'avoir là parce qu'ils s'en vont en vacances 2 semaines. Je m'excuse, ce n'est pas un STAT. Mais si vous n'avez besoin pour le patient tout de suite, ça, ce sont des tests STAT. Mm-hmm. OK? Même si vous êtes sage-femme, vous l'écrivez si vous croyez. On l'écrit sur la fièvre ou on l'écrit sur la feuille? Oui, sur la requête habituellement. OK. Oui, je m'excuse. Dans ton dessin, tu écris pré-éclampsie sévère. Oui. Ils sont comme gradés. Ils sont comme gradés. Mais ce n'est pas une vraie gradation. Non. C'est un dégénère. Lui, souvent, c'est parce que chez les femmes pré-éclampsiques, elles. Ça va chercher 10 à 20 de ces femmes-là. C'est comme, ça peut dégrader en. C'est une complication de l'hypertension gravidique. Oui. On pourrait dire que c'est plus une complication, ce qu'ils disent. Ça peut arriver, mais ça peut arriver sans ça, sans qu'on ait eu les autres. Donc, okay. Effectivement, c'est pour ça qu'ils sont en ligne comme ça. Okay. Parce que souvent, la pré-éclampsie va précéder l'éclampsie. Ouais. OK? Parce qu'on va voir l'hypertension qui va approcher, puis là, elle va tellement monter que. Les protéines vont rentrer. Donc là, on passe de pré-éclampsie à éclampsie. Puis là, après ça, sur certains cas de ça, ça peut dégénérer en elle. Donc, c'est pour ça qu'on voyait comme ça. Mais ce qu'il ne faut pas dire, c'est que nécessairement, tu es passé par ça, ça, ça, ça. Quelquefois, tu rentres directement à l'éclampsie. Ça a l'air moins important quand même que l'éclampsie, ça. Ça a l'air moins important, ça a l'air, parce qu'il n'y a pas les convulsions nécessairement et tout ça. Parce que les convulsions et les hémorragies cérébrales, oui, effectivement. Mais ici... Il y a une mortalité qui est associée avec la rupture du foie, entre autres, avec les... Donc, c'est quand même important. Mais effectivement, mais ce sont tous des cas graves. Là. Ici, vous voyez la complication, protéinurie minimale. Pas tout le temps. Vous n'avez pas toujours la protéinurie. Alors que si vous étiez en pré-éclampsie, vous l'avez, la protéinurie. La plupart du temps. Hémorragie, c'est à ça que je pense quand je pense à rire. Hémorragie? Oui. Cérébrale, vous voulez dire? Hémorragie à large. Parce qu'il y a une trombose. Ah, ben peut-être qu'il y a peut-être autre chose associée à ça, là. Parce qu'effectivement, avec un lot platelettant, le moindrement qu'il y a des saignements, vous avez souvent de l'hypertension là-dedans, donc ça se peut. Mais ils ne l'ont pas mis comme ça. Je sais que pour l'éclampsie, les saignements intracrâniens, malheureusement, sont fréquents. Parce que je connais une femme qui avait eu ce saignement-là, puis elle ne pouvait pas avoir de césarienne, par exemple. Parce que ils font attention avec le lot plaquette de cambre, il faut faire très attention. Ah ouais? Mais quand il faut sortir le bébé, ils vont supplémenter avec des plaquettes, puis avec des culots, puis tout ça. C'est sûr qu'avec ça, quand on a des plaquettes basses comme ça, mais s'il faut sortir le bébé, ils ne vont pas attendre. Là. Mais c'est juste que c'est pas. Ils vont pas venir non préparés. Mais avec le lot plaquette crampe, on fait attention aux césariennes. C'est un fait. Ça ne coagulera pas. Hein. Normalement, c'est quand même une hystérectomie avec ça. Pardon? Il arrive à ce syndrome. Ah, ça, je ne savais pas. Qu'est-ce que tu as dit? Hystérectomie. Mais c'est parce que. Parce que si c'est grave à chaque règle, ça ne marchera pas, là. Mais ça récède, par exemple. Ça ne reste pas. C'est juste pour le problème de coagulation. Bon, est-ce que ça va pour l'éclampsie? Ça, vous devez savoir ça. C'est comme le diabète de grossesse, comme juste, c'est les deux conditions que vous devez détecter la plupart du temps. Parce que c'est ça que vous allez voir. Donc, ça, c'est sûr que je vous attends à l'examen. Donc, pas avec les pourcentages, point important, mais avec les diagnostics différentiels, avec comment vous faites ça, les complications, les facteurs de risque. Faut toutes les connaître ou en connaître non. Un? Vous en avez 7, nommez-moi-en les 7, puis c'est 7 points. Habituellement, je vais en demander comme 3, 4, 5. Donc, il y en a, s'il y en a un que vous retenez pas, là, c'est pas grave. On a 3 sur 4. OK, mais comme vous dites, l'obésité, ça c'est quasiment tout le temps dans tous les facteurs de risque. Comme nous, quand il faut retenir les affaires différentielles, il y a toujours maux de tête. Donc, on écrivait toujours maux de tête, là, parce que tout le monde a ça, ou tout le temps. Là. Donc, il y a des choses que tu finis par apprendre. Oui? Vous n'avez pas mis de slide sur pré-éclampsie et hypertension chronique? OK. Oui, la différence. OK, regardez bien. Bonne question. Et ça, ça a déjà été une question d'examen. La différence. Donnez-moi un portrait différentiel entre une femme qui a eu une pré-éclampsie et une femme qui avait une pré-éclampsie superposée avec une chronique. Donc, la première en haut, là. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas de superposition de la pré-éclampsie et de l'hypertension gestationnelle. C'est quoi? C'est exactement la même chose, mais il y en a une qui a une protéine puis l'autre. Donc, c'est sûr qu'ils se superposent. Une femme avec pré-éclampsie versus une femme avec une pré-éclampsie superposée à la chronique. La chronique, là, la première des conditions. C'est quoi le portrait entre les deux? Bien, c'est qu'il y en a une que ça va. C'était au début, puis ça va rester à la fin. Exact. Après son c'est ça. Autrement dit, le début est le même. D'autres semaines. Vous avez une hypertension. OK, il y en a une, elle est pour l'hypertension chronique, c'est parce qu'elle l'a avant. Mais dans une femme qui est très éclamptique, vous ne savez pas toujours sa pression avant la grossesse. Mais la clé, là, c'est qu'après la grossesse, quelqu'un qui a une pré-éclampsie, sa tension redescend. Une femme qui était en chronique, elle, ça ne redescend pas. Par contre, une femme qui est en chronique ne devrait pas avoir de protéines dans les urines. Mais si elle a une pré-éclampsie, elle a eu de la protéine dans les urines. Donc là, vous avez une pré-éclampsie, puis comme ce n'est pas revenu, vous avez l'autre. Tu peux souvent juste le savoir après ton 12 semaines. Oui, tout à fait. La préexistante, là, la clé dans celle-là, c'est qu'elle revient après. Elle ne revient pas après. OK? Donc, si votre tension ne revient pas après la grossesse, c'est que vous aviez la première condition en haut. OK? Non, pas gestationnelle, l'hypertension chronique. Non, mais c'est ça. Ça revient pas, la tension normale ne revient pas. Ah, après, c'est lui. OK. Puis là, vous avez eu quelqu'un, si je vous fais un beau petit portrait, c'est ça mon petit portrait, c'était une femme On l'a diagnostiqué avec une hypertension à 20 semaines, avec des protéines dans les urines à 2+. Et puis, elle a accouché, blablabla, puis après 20 semaines, son hypertension est encore là. Qu'est-ce qu'elle avait? Préclampsie. Là, vous en avez une superposée. Oui, la protéine des urines vous dit que vous étiez en pré-éclampsie parce que la tension chronique n'a pas de protéines dans les urines. Donc là, vous aviez une pré-éclampsie plus une superposition. Oui. Mais à part d'avoir le risque de se développer en pré-éclampsie, y a-t-il d'autres risques avec l'hypertension? C'est contrôlé habituellement, non. Fait que c'est vraiment juste comme il faut checker oui. si ça se développe en pré-éclampsie, puis là, il faut juste checker ses symptômes. Les patientes qui doivent être contrôlées par des médicaments pour l'hypertension, par exemple, là, il faut faire attention, c'est pas tous les médicaments pour l'hypertension qui sont compatibles avec une grossesse. Donc, ces patients-là, on ne peut pas arrêter la médication, ils doivent être suivis par des médecins parce que la médication doit être changée pour que leur tension à elle soit contrôlée. Les épileptiques aussi. Probablement, oui. Donc ça, ce sont des médicaments qui ne sont pas bons pour le fœtus d'aucune façon. Donc à ce moment-là, il faut aller vers des alternatives qui sont moins bonnes pour contrôler la tension. Donc c'est pour ça que ces femmes-là, vous les suivez probablement. Oui? Une femme qui fait une préclampsie avec hypertension chronique, si elle a une deuxième grossesse, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va refaire une préclampsie. Non. Les chances sont faibles. Mais ses chances sont plus élevées que quelqu'un qui n'aurait pas cette condition-là. Mais non, effectivement. Une pré-éclampsie sévère, est-ce que c'est obligatoirement hospitalisé jusqu'à l'accouchement? Si, mettons, il y a un risque t'es de... T'es surveillé très fortement. Et quand ça devient trop fort, c'est là qu'ils vont hospitaliser. Mais de toute façon, la dame va être couchée. Elle peut être couchée à la maison. Mais probablement suivie. Puis sévère, on s'entend du degré de sévérité. Plus c'est sévère, plus ça va être suivi, mais plus le suivi est rapide, plus on va envoyer à l'hôpital. Mais ça, vous les vraies éclampsies, je ne pense pas que vous les suiviez. Même les pré-éclampsies. Ni les pré-éclampsies. C'est de nos clients qui vont se faire. Mais vous les suivez quand même? Vous les suivez pas à l'hôpital? Juste pour un nom? Des fois, peut-être. Comme vous la connaissez, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais c'est pas nous qui serons responsables. Non, non, mais non, ça comprend. Mais au moins, elle vous connaisse. On peut être une figure amicale. Ben oui, c'est ça. Puis l'aider dans toutes les choses que vous avez discutées, là, je suppose. Allons parler à notre biochimiste préféré. C'est sur ta quête, là. Oui. Je veux juste savoir, est-ce que là, une femme qui a une. Hypertension artérielle chronique, puis après qu'il a eu une pré-éclampsie ou il y a une éclampsie, après, est-ce que ça va, comment dirais-je, est-ce que son hypertension chronique après, elle va être affectée par ça ou bien... Est-ce que ça aggrave son hypertension? J'ai pas vu rien qui va... parce que son hypertension vient d'une condition qu'elle a. Je pense pas que la grossesse a empiré la chose. Okay. À moins qu'il y ait eu vraiment des dommages graves aux reins, tout ça peut arriver malheureusement, mais c'est des fois très, très, très rare. Donc, ça ne devrait pas, en théorie. Mais je ne vous dis pas que c'est pas, ça arrive pas. Juste, par exemple, son rein, est-ce que va fonctionner après normalement? En théorie, il n'y a pas de dommages permanents. OK? Mais encore là, c'est pas toujours. C'est comme le diabète de grossesse. Je connais des personnes qui ont eu un diabète de grossesse et malheureusement, après, c'est resté. Donc, ça s'est transformé en diabète chronique, un vrai diabète. Ça a été. Donc, probablement que c'est une femme qui était prédisposée à ça, mais c'est la grossesse qui a déclenché. Mais ça, c'est rare. C'est pas excessivement rare. Mais on peut pas dire que ça arrive pas. Là. J'en connais une, donc ça arrive. Donc, quelqu'un qui a jamais pris d'insuline de sa vie, qui a toujours un contrôle normal, jamais eu de problème, accouchement, après ça, elle est sur l'insuline pour le restant de sa vie. C'est rare, excessivement rare. OK, dépistage des drogues. Quand on dit, c'est des drogues dites récréationnelles ou drogues d'abus. Il y a plein de beaux petits noms pour ça. OK? Ce ne sont pas les médicaments. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne prennent pas de la récréation avec des médicaments. Il y a beaucoup de drogués qui le font aux médicaments. Mais là, on s'entend ici, ce n'est pas de celle-là qu'on va parler. OK. Ce qu'on appelle substance d'abus, l'alcool. L'alcool et la cigarette sont des substances d'abus, mais légales. C'est la seule différence. OK? Drogue de rue, ça, c'est illégal. OK? Donc, la différence ici n'est pas une physiologique, mais en est une de loi. Drogue de rue, on va parler des opioïdes, la cocaïne, la marijuana, les amphétamines, le fenciclidine. Ça, c'est ceux qu'on dose normalement de base dans nos laboratoires. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas très créatifs et qui ne vont pas en dehors de ça. Ça se peut. Mais là, on va dans les labos spécialisés, tout ça, on envoie ça à Québec. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont à l'avant-garde et qui découvrent d'autres nouvelles molécules que le chimiste court en arrière. Tu sais, les gens qui développent les drogues sont un step en avant des gens qui les prennent, après ceux qui suivent juste à côté, puis les gens qui détectent sont en arrière. Puis nous autres, on court après pour essayer de les détecter. Les opioïdes, c'est tout ce qui est opinacé, là. Oui, c'est ça. On va tous les voir un par un, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Puis leur petit nom dans la rue, le prix. Non, non, le prix. Ça dépend. OK, les deux. Non, c'est celui que vous allez retrouver à l'examen. C'est sûr, je vous le promets, l'alcool, vous l'avez. OK, parce que ça, c'est la drogue d'abus la plus courante. OK? Et c'est celle, elle a un effet documenté sur le fœtus. OK? Ça, c'est sûr et certain. Parce que celui-là, il y en a d'autres, qu'on, les études sont plus ou moins. Vous savez, comme n'importe quoi, là, vous voyez bien que les études de drogue et du fait d'être enceinte, c'est difficile d'avoir des populations pour trouver, hein? Parce qu'on n'a pas de groupe contrôle. Bon, toi, tu vas être enceinte, veux-tu prendre un petit peu de drogue, on va voir ce que ça va donner. C'est pas des études que tu peux faire. OK? On s'entend, là, c'est pas des études qu'on peut. C'est pas comme des médicaments quand on teste pour des maladies. On peut pas faire ça. Donc, y a, les études, c'est toujours des observations de cas et tout ça. L'alcool, c'est un des rares qui est documenté, c'est ferme, c'est prouvé. OK? Donc, celui-là, on est safe, là, on sait. L'alcool, c'est un tératogène. C'est quoi un agent tératogène? C'est un agent. Un embryon. Qui il va de formation congénitale. Donc, l'alcool, c'est prouvé, c'est sûr. Ça fait des malformations congénitales sur le fœtus. Et l'alcool traverse le placenta. Okay? C'est pas une barrière, le placenta, pour l'alcool. L'alcool passe librement. Ouh, c'est bar open pour tout le monde à l'intérieur également. OK? L'alcool a un effet négatif tout au long de la grossesse. Bon, on s'entend. L'effet tératogène, comme tous les tératogènes, c'est au moment du développement de l'embryon, il y a des fenêtres où l'embryon est susceptible à ça. Même chose pour la drogue là, dans les années 70. Les LSD. Pas le LSD, là, pour les thalidomides. Thalidomides qui avaient été mis sur le marché pour les mamans qui avaient des maux de cœur. OK? La thalidomide a un effet dans une fenêtre très, très, très mince, justement du développement des bourgeons pour les bras, en fait. OK? C'est revenu sur le marché, la thalidomide, mais pas pour les femmes enceintes. C'est pour les soins de peau, je pense. C'est pas pour... Il y a une maladie aussi, là. Ils font comme full d'acné. C'est bien écrit quand tu prends ça que tu ne dois pas être enceinte. Non. Ah, ben, il arrête. Mais là, il y a plein de médicaments d'usage relativement courant et qui ne sont pas faits pour les femmes enceintes. C'est pour ça que c'est toujours bien de recommander à quelqu'un qui est enceinte, tu prends rien. Hein? En cas de doute, tu prends rien. Pas de médicaments, le moins possible, pas d'herbes, pas de produits naturels. C'est mieux de rien prendre de ça. Parce que tu ne sais pas trop ce que ça fait. L'alcool, c'est connu, tératogène, effet négatif tout au long de la grossesse. Donc, même s'il n'y a pas les effets tératogéniques, il y a d'autres effets à d'autres endroits. Problème de croissance chez le fœtus, dysmorphie faciale, donc on va voir les alternations que ça fait sur le faciès du bébé. Anormalité du système nerveux central, donc au niveau de la structure du cerveau, problème neurologique, des performances cognitives sous la normale chez les enfants qui ont été touchés. Par contre, il n'y a aucune relation dose-réponse exacte entre la quantité d'alcool consommée et les dommages. Parce que vous savez que l'alcool, c'est très, très personnel. On ne réagit pas tous à l'alcool de la même façon. Mm-hmm. Vous me donnez un verre, je le sens un petit peu, puis je vais faire « Wouh! » Puis je vais faire des niaiseries. C'est pour ça que je ne bois pas, moi. J'ai une tolérance à l'alcool pas loin du zéro. J'en bois pas. Un, j'aime pas ça. Puis deux, j'ai l'air une vraie folle quand j'en prends un petit peu. Vous savez, les trucs avec des parasols avec ben du frais, ça, j'aime bien ça. Mais je me lève plus non plus après. Ça m'en prend pas beaucoup, des petits parasols. C'est ma affaire. Okay? Puis il y a des gens qui peuvent en prendre plus, puis qui vont avoir un métabolisme différent. Puis les effets ne sont pas les mêmes. Et ça, ça dépend des enzymes que vous avez, entre autres, dans votre foie. OK? Si vous êtes capable de... le foie détoxifie l'alcool et le rend inoffensif, si on veut. C'est lui qui claire le système. Puis, dépendant de votre activité enzymatique, vous détoxifiez plus ou moins. Donc, c'est héréditaire. Les gens de descendance irlandaise ont probablement très bon foie. Malheureusement, je suis descendance irlandaise, ça n'a rien donné pour moi. Les Japonais, la moitié de la plus demandée de la population, n'ont pas l'enzyme. On supporte mal. Comme les Amérindiens qui n'ont pas beaucoup cette enzyme-là. Donc, encore, on voit le même patron génétique ici, descendance asiatique. La tolérance à l'alcool est moins forte. OK? Donc, je ne peux pas vous dire, deux verres pour toi, c'est correct. Un verre pour toi, c'est correct. Toi, tu peux prendre deux caisses si on n'a pas de problème. Ben, deux caisses, ça fait un problème pour tout le monde, là, mais on s'entend. Vous voyez le principe? Ce qui fait que pour les effets sur un fœtus, ce n'est pas les mêmes pour chaque personne. Parce qu'avant de passer au fœtus, il va être clairé par le foie de maman ou moins. Tu as un premier passage au foie, mais après ça, tu as le reste. Donc, il n'y a pas d'étude qui dit tu as des problèmes avec ton fœtus à partir de tant de verres de vin par jour, à partir de tant de... Il n'y en a pas de ça. Puis avouez que ça ne peut pas se faire comme étude. On ne peut pas dire à toi, prends-en trois, toi, prends-en deux. Et quand tu demandes ça à quelqu'un, que ce soit un médecin ou une sage-femme, n'importe quoi, combien tu prends d'alcool aujourd'hui? Et à cette question-là, la personne répond, ah, je prends un verre par jour. Habituellement, le médecin va multiplier. Il y a un facteur multiplicatif. Ah, oui. Tu ne vas pas dire à ton médecin exactement comment tu prends. Il n'y a pas un chat qui fait ça. Bien sûr, quand tu n'en prends pas beaucoup. Sauf quand tu n'en prends pas beaucoup. Quand tu n'en prends pas habituellement, c'est correct. Là, mais oh, moi, j'en prends un par semaine. OK, fois trois, trois par semaine. Okay, donc, c'est difficile à dire ça. Donc, il n'y a pas de dose-réponse. L'alcool, c'est sûr qu'il y a un effet, mais à combien c'est nocif ou pas, ça dépend de la personne, ça dépend du métabolisme, ça dépend de la façon dont c'est bu. C'est pour ça que la recommandation, c'est l'abstinence, pas d'alcool. On s'entend, ça c'est ici. Vous allez en France, ils en prennent partout. Enceinte, pas enceinte, c'est pas un problème. OK? Donc, la perception n'est pas la même. Tout le monde s'entend qu'il y a des effets. Et combien ça prend? Puis, c'est pas tous les alcools. Le vin, c'est pas du gin. Le pourcentage d'alcool n'est pas le même non plus. Donc, c'est pour ça qu'on recommande l'abstinence. Mais si une mère arrive en oh mon Dieu, j'ai pris un verre de vin, je savais pas que j'étais enceinte. Oui, elle ne s'en rien donné. On s'entend, là. Est-ce que vous comprenez? C'est comme, puis la fenêtre de Terrel n'est pas la même aussi pour les effets, les différents effets. Oui? Ça se trouve pas à l'écho, ça, hein, le syndrome du nouveau-né? Non, c'est quand il sort. Parce qu'il y a des femmes qui arrivent, excuse-moi, il y a des femmes qui arrivent et qui disent, j'ai pris 4, 5, 6 brosses avant de savoir que j'étais enceinte. Puis là, ils ont peur. Bien, ils vont faire. Je veux dire, on s'entend, là. Là, on va voir ça souvent chez les alcooliques chroniques. OK? Mais c'est parce qu'il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux, puis c'est ça. Puis quelqu'un qui boit beaucoup ne va peut-être pas se considérer comme alcoolique non plus, alors que. Bon, donc, voyez-vous, là, il y a. Mais là, c'est fait. Votre cliente, elle l'a pris. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Il n'y a plus rien à faire, là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Là, à modère à partir de là. C'est pas une indication pour un avortement. Non. Il y a pas un nombre. Et même, il y a des enfants d'alcoolique chronique qui n'ont pas le syndrome. OK? Donc, oui, c'est connu, c'est tératogène, mais l'effet que ça va faire sur le fœtus, c'est pas. Il n'y a rien de cité. Donc, il n'y a pas de truc d'avortement thérapeutique pour ça, en tout cas. Ça peut être pour d'autres raisons, parce qu'elle ne se rappelle pas avec qui, avec quoi, avec combien. Ça, c'est autre chose. OK? On s'entend? Mais c'est pas pour ça, là, en tout cas. Oui? C'est Bon. Quand la mère consomme de l'alcool, le nouveau-né peut avoir des syndromes, peut avoir des symptômes aigus de sevrage plusieurs heures après la naissance. Nous, à Saint-Luc, à la maternité, on le voit, ça. On est en centre-ville de Montréal et la clientèle, c'est pas toujours une clientèle facile. Donc, les mamans droguées jusque par-dessus les oreilles ou alcooliques au bout. Donc, les bébés en sevrage, on les a. OK? Donc, ça, c'est réel. Donc, le nouveau-né peut avoir des syndromes de sevrage aigu. Il n'a pas eu sa bibine. C'est normal, il est habitué, là. Lui a ça tout le temps. C'est pas drôle quand t'as cet âge-là. Là. Donc, début de 3 à 12 heures après l'accouchement, phase initiale dans les 72 heures, irritable, cycle de sommeil perturbé, tremblement, seizure, les crises, c'est comme des crises épileptiques. Hypoglycémie et acidose peuvent être présentes. L'alcool induit ça. Donc, on suit ces bébés-là beaucoup. Distension abdominale, gros ventre. Après ça, une phase léthargique de 48 heures. Donc, le bébé ne répond plus, ne répond pas beaucoup. Le traitement, ce sont des bébés qui sont en chambre noire avec le moins de stimulation possible. Nutrition adéquate, on essaye de les nourrir par petites quantités. Ils ne peuvent pas prendre de grandes quantités. Surveiller les anomalies métaboliques. On fait attention ici à l'hypoglycémie, très importante ici. Et dans certains cas, la médication va être nécessaire s'il y a des crises épileptiques ici. De type épileptique, ce ne sont pas de l'épilepsie, mais c'est des crises qui ressemblent à ça. Okay. Le nouveau-né peut présenter des séquences chroniques non réversibles. Vous devez savoir le nom, ça c'est son petit nom français qui est épouvantable. Et l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, ou le HEDCAP en français, ou quand on le voit en anglais, moi je vous pouvez l'apprendre en anglais s'il vous plaît, moi je le trouve moins long, c'est le FASD, le Fetal Alcohol Spectrum Disorder. Donc ces enfants-là peuvent présenter ça, je vais vous présenter ce symptôme-là, et puis il est reconnaissable. Quand il l'a, c'est non réversible. Ce sont des malformations qui sont là de façon permanente. Mais le nouveau-né d'une maman qui a consommé peut être tout à fait normal. OK? Oui? Est-ce qu'on donne aussi de l'alcool pour Pardon? Aider au sevrage? Je ne sais pas ça. Ça, j'ai jamais été... j'ai jamais demandé. Je pense pas, mais je ne suis pas sûre. Parce que je sais que chez les alcooliques, ils donnent des... Oui, des petites quantités pour essayer de descendre parce qu'effectivement, ce symptôme-là... parce que l'alcoolique, de toute façon, il va aller s'achercher, puis tout ça, donc ils vont essayer de donner et de diminuer graduellement. Mais pour l'enfant, ils vont peut-être plus essayer de contrôler. Plus, ils essayent plus de donner du lait pour essayer qu'il reprenne, pour qu'il claire ça de son système rapidement. N'oubliez pas, c'est éclairé par le foie, donc il faut attendre que le foie mature. Il y a un petit choc au début, là. Mais ce sont des enfants qui ne sont pas heureux. Non. OK? Et puis, habituellement, la DPJ n'est pas loin non plus. Ce n'est pas des grossesses normales. Ce n'est pas des mères nécessairement fiables. Parce qu'ils sont suivis, ces mères-là, mais quand ils sont alcooliques à ce niveau-là, tu as bien beau leur dire qu'il faut, ils ne peuvent pas. Donc, souvent, ils restent rarement avec leur mère. Est-ce que c'est à Saint-Luc qu'il y a un nouveau programme en pédiatrie où les femmes qui sont toxicomanes ou alcooliques gardent leur bébé avec elles à l'hôpital. Là, après ça, est-ce que la DPJ décide d'en faire, je ne sais pas, mais ils ont constaté, en fait, que d'éviter d'enlever le bébé à sa mère, de le laisser avec sa mère, puis de la laisser allaiter, ça fait une grosse différence sur les symptômes, la phase initiale. Mère n'est pas... parce qu'il faut qu'elle ait éclairé son alcool, parce que ça passe dans son lait. Si elle a été alcoolique et tout ça, puis le syndrome, mais elle n'est pas... alcoolique à ce moment-là. C'est moins intoxiqué à ce moment-là, oui. Oui. Puis ils essayent de garder le plus souvent la mère avec l'enfant. Mais ils vont surveiller. Habituellement, la DPJ ne traîne pas loin parce qu'ils regardent qu'elle est capable de s'en occuper. Mais la DPJ, s'ils sont capables de laisser la mère et l'enfant ensemble, ils vont le faire. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves pour enlever une mère à son enfant. Mais quand les labos rentrent là-dedans, c'est les dernières preuves. C'est parce qu'il y a un dossier grand comme ça, puis elle en a échappé un, puis elle en a fait l'autre, puis elle en a échappé trois, puis il enlève. C'est pas des beaux cas, là. Non, non, c'est je des sais, cas pénibles. Mais en fait, je pense que c'est un projet assez récent. Oui, non, il y en a beaucoup. Qui est oui. Il y a des grosses cliniques de désintox, il y a beaucoup de cliniques comme ça. Il y a des cliniques pour les mères polytoxicomanes, mais aussi, il y a un gros dossier de presse. Puis on essaie de prendre cette condition-là, puis ça, pour aider que la mère, elle s'en sorte aussi. OK, donc ça, c'est le fameux syndrome. Qu'est-ce que ça fait? Faible poids à la naissance, petite circonférence de la tête, les yeux étroits, qu'on appelle aussi ptosis, la lèvre supérieure mince, le nez est retroussé, le sillon entre le nez et la lèvre est sous-développé, donc ils n'ont pas le fameux sillon qu'on a ici, menton pointu, les oreilles et les nez semblent sous-développés et déformés. Ça, c'est le faciès de ces enfants-là qui est particulier. OK? Chez les enfants, on le voit bien. Chez l'adulte, ça disparaît un peu. Donc, ça paraît beaucoup moins. Donc, oui, il y a une figure un peu spéciale. Ce qui est plus grave ici, c'est les dommages au cerveau. OK? Retard mental, difficulté d'apprentissage, hyperactivité, déficit d'attention, problème de langage, impulsivité. Donc, relié à la consommation d'alcool. Et là, on s'entend. Là, il faut toujours mettre ici. C'est pas un verre à chaque semaine qui va faire ça. Les Français, ils ne ressemblent pas tous à ça. Hein? J'en ai marié un, je le sais. OK? Donc, c'est pas ça, là. Là, on parle d'usage chronique et tout ça. Ce qui ne veut pas dire, là, il faut toujours faire attention au message, que c'est correct de boire quand on est enceinte, mais on n'a pas à culpabiliser la personne aussi. Ça doit, il y a peu de chances que ça fasse un problème. Mais l'alcool est connu pour avoir un effet direct sur le fœtus. Est-ce que le message est passé correct? Parce que là, c'est toujours... Je ne veux pas passer de mauvais message. C'est dosé comme message. Il faut que ça soit dosé. Il ne faut pas culpabiliser quelqu'un qui boit de façon raisonnable. Donc, mais ça, c'est une opinion personnelle, là, remarquez. C'est mieux pas. Moi, écoutez, moi, ça ne me dérange pas. Je me suis toujours abstenue d'alcool. J'ai dit ça pour mourir. Puis de toute façon, j'ai l'air de me répondre. Donc, moi, ce n'est pas grave. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Madame, essayez de ne pas boire de café quand vous êtes enceinte. C'est pas grave, j'en bois pas. S'il m'avait dit, madame, vous n'avez pas le droit de faire une petite sieste l'après-midi à 2 h, j'aurais trouvé ça dur. Comprenez-vous quelque chose qu'on vous enlève, que vous êtes habitué, c'est autre chose. Mais la recommandation qui tient normalement des sociétés obstétriques, c'est pas d'alcool. Aux États-Unis, c'est très strict, là, c'est pas d'alcool. Mais on s'entend. Moi, le médecin qui m'a accouché, il me dit, moi j'étais provoquée, donc je savais c'était à quelle date. Ah, il dit, ben, prenez un bon repas avec une bouteille. Puis là, je te dis, quoi? Il me semble que tu n'es pas supposé, mais disons, à ce temps-ci, ça ne dérange plus. Là. Puis moi, ça ne m'a pas dérangé pantoute. Oui? Est-ce que l'alcool va passer par le foie avant d'aller dans le fœtus? Fait que si ça se peut que. Non, premier passage. J'ai toujours fait le premier passage. Tout ce qui sort de votre intestin. Il y a une petite circulation directe qui va au foie. Fait que ça se peut que, finalement, si la quantité est minime, même si ça ne dérangerait pas, si ça se peut que ça passe même pas jusque-là. Si vous n'avez pas l'enzyme, c'est pour ça que c'est difficile à voir. Ouais. Chaque personne est différente. Donc, oui? Les enfants qui sont nés avec un handicap, est-ce qu'ils ont plus de risque d'être alcooliques plus tard? J'ai déjà vu des choses écrites comme ça, mais c'était pas des études, c'était comme des opinions. Ça, sincèrement, je ne sais pas. Mais là, il faut faire attention qu'il y a le syndrome, mais il y a le milieu familial dans lequel ils sont. L'environnement. S'ils ont ça, c'est probablement pas un milieu familial qui n'a pas d'alcool. On s'entend, là. Et ça a beaucoup plus d'influence, probablement, que... Ça fait que c'est très difficile dans cette étude-là de voir qu'est-ce qui est physiologique, de qu'est-ce qui... C'est social. Oui. L'alcool a des effets négatifs tout au long de la grossesse, pas seulement au premier trimestre, parce que les affections que vous avez vues au vos visages, c'est le premier trimestre, hein, c'est quand c'est formé, c'est tératogène. Le binge drinking, ça c'est... On cale rapidement, très, très rapidement, beaucoup plus néfaste que têter son verre sur une grandeur de temps. Mais ça, c'est n'importe quoi, là. Si vous prenez de l'alcool rapidement, une même quantité d'alcool dans un temps très faible est beaucoup plus toxique que le même verre étiré longtemps. Et ça, je l'ai vu quand j'ai fait mes tournées à l'urgence quand j'étais résidente. C'est épouvantable. Ça, c'est sûr et certain. Donc, vous ferez les parties où on faisait boire de façon obligatoire des grandes quantités d'alcool, l'effet... Et pire que de l'avoir fait sur une soirée. Ça, pas juste chez les enfants, là, chez n'importe quel adulte. Ça, c'est connu. Polymorphisme du gène de l'alcool déshydrogénase. L'alcool déshydrogénase, c'est l'enzyme qui de votre foie qui désactive l'alcool joue un rôle. Donc, dépendant si vous êtes un métabolisateur rapide ou non. OK? Donc, tout le monde n'a pas la même tolérance. Ah, moi, je suis un gros gars de 350 livres, il n'y en a pas de problème. La petite madame à côté, elle, elle devrait se tenir à un verre, bien, lui, il peut se ramasser peut-être sur la taille avant elle. OK? Il y a ça aussi, il y a le poids qui joue, la carrure de la personne, oui, c'est vrai, mais l'enzyme ici, c'est individuel à chaque personne. Allaitement maternel non recommandé s'il y a consommation d'alcool. L'alcool passe dans le lait. Donc, autrement dit, si la mère est alcoolique et elle continue d'être alcoolique quand elle donne le lait à son enfant, si elle ne cesse pas sa consommation, l'enfant ne consommera pas que du lait. Mais comme il y a un premier passage, mais ça reste que ça s'accumule quand même. Mais en même temps, pour un bébé qui est en 5 ans de sevrage, ça ne serait pas à quelque part soulageant pour lui d'avoir une quantité minime d'alcool? Je ne sais pas qu'on devrait faire. Ça, je ne sais pas. Il faudrait voir avec les études, là, les nouvelles qui sont sorties. Je n'ai pas vu. C'était un article en Superpresse. OK. Bon, mais je l'ai. J'avoue, je l'ai. C'était un gros dossier. Oui, mais ce qui reste, qu'une maman qui boit et qui ne peut pas arrêter sa consommation ne devrait pas. Parce que ça, c'est bon pour peut-être le sevrage au départ, ouais, mais à un moment donné, il faut t'arrêter. Je parle pas oui, de... c'est ça. Ouais. Donc, une mère alcoolique qui ne peut pas cesser sa consommation, l'alcool passe dans le lait. Ça, c'est connu. Donc, à ce moment-là, elle ne devrait pas allaiter. Si elle ne peut pas arrêter. Je mettons une maman pas alcoolique qui allait. Oui. Un petit verre, mais oui, là, ça va c'est passer. Pas le bébé sera peut-être joyeux un petit peu, ouais, mais pas plus ça. Que ça. Mais c'est pas une concentration. Là, on parle pas de... On sera... c'est ça, il va peut-être dormir plus loin. J'aurais dû essayer ça. Mais on parle de buveuse chronique. Ouais. Donc, quelqu'un mais qui n'est pas capable... Si, mettons, si je pouvais avoir de vin, après combien de temps qu'il y aurait plus d'été? On va voir sur le site du Dr. Jack Newman. Ah oui, je pas, en tout cas, ça, il faut faire attention. Chaque personne n'a pas la même. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'études. Faites bien attention aux études qui vous disent un verre après tant de temps, c'est correct. Ça, c'est une moyenne. Oui. Ça ne s'applique pas toujours à chaque personne. OK? La cigarette, maintenant. Chez les fumeurs invétérés, on estime que l'arrêt de l'usage de tabac durant la grossesse pourrait prévenir 10 % des morts périnatales, 35 % des faibles poids à la naissance et 15 % des naissances prématurées. La cigarette, c'est un autre problème, un autre agent, ici. Mais c'est une autre chose qui est très difficile de se débarrasser. OK, effet négatif de la cigarette sur la grossesse. Infertilité, faibles poids à la naissance, avortement spontané, déclenchement placentaire, placenta previa, mort fœtale tardive, donc des morts nées, rupture prématurée des membranes et naissance prématurée. Donc, tous ces phénomènes-là sont plus représentés chez les fumeuses qui vont l'être chez la population en général. Et c'est fumeuses et fumée secondaire également. Mais c'est sûr, c'est plus important pour une fumée primaire qu'une fumée secondaire, mais c'est également comme ça. Ce qui ne veut pas dire que si on fume, c'est un moyen de contraception efficace. S'entend. Hein? Faut toujours nuancer. Hein? Des fois, là, c'est comme ce qu'on met sur nos cruches, de ne pas boire vos cruches. Faut toujours tout dire. On ne sait jamais comment c'est pris. OK, pathophysiologie de cigarette. Qu'est-ce que ça fait? L'oxygénation fœtale est réduite. Bon, ça, vous voyez pourquoi. Hein? Avec la fumée, il y a du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, qu'est-ce que ça fait sur votre hémoglobine? Ça prend la place. Ça se fixe et ça ne s'enlève pas. Parce que le carboxyhémoglobine aime beaucoup plus l'hémoglobine que l'oxygène va aimer l'hémoglobine. Donc, pour décrocher un carboxyhémoglobine d'une hémoglobine, ça prend une pression différente. Donc, il faut aller en chambre hyperbare. OK? En chambre hyperbare. Il y en a une à l'hôpital Sacré-Cœur. Comme pour les gens. Pour les gens qui vont en apnée, ceux qui sont descendus là, dans les plongées. Okay, les chambres hyperbares, c'est les gens où on met des pressions. Et puis, ça va permettre, dans ces conditions-là, que la carboxyhémoglobine quitte l'hémoglobine. Okay, mais ça prend ça. font ça aussi chez des enfants avec certains syndromes. Oui. Là, quand j'ai... T'as-tu ça, puis la petite grenade? Non, j'ai travaillé avec un prof. Okay, donc ça, c'est sûr, mais évidemment, on ne garde pas ça chez les mamans qui fument, les chambres hyperbares, on n'envoie pas une maman qui fume en chambre hyperbare. On envoie ça quand? C'est quand vous êtes découragé de la vie, vous vous enfermez dans votre garage, vous partez, là, ils vous ramassent et vous envoient là souvent. Ou les intoxications de gens, là, les foyers. Qui, donc les intoxications au monoxyde de carbone, les chambres hyperbares sont pour ça. Okay, les incendies aussi, ça peut être ça. OK? Ça, c'est le principe. Mais ici, vous avez exposition au monoxyde de carbone, donc la formation de la carboxyhémoglobine qui est permanente. Donc, autrement dit, vous avez plein d'hémoglobine, mais elle ne peut plus servir. Donc, vous avez moins d'oxygénation. Mais... En plus du monoxyde de carbone, dans la cigarette, il n'y a pas que la nicotine. Il y a un paquet d'autres affaires. Il y a de l'ammoniac, les hydrocarbones aromatiques polycycliques, donc ça c'est cancéreux en passant, les vinyl chloride, les oxydes nitriques. Donc tout ça a également une toxicité, en plus de la nicotine. Nicotine, c'est un activateur sympathique, c'est pour ça que ça vous donne envie de fumer en passant, parce qu'il est sympathique, donc parce qu'il va sur ces neurones-là. Okay? Et le développement du pulmonaire peut être perturbé chez l'enfant. Oui? Le monoxyde de carbone, là, il est toujours là, mais à un moment donné, le globule rouge, oui, il meurt. Oui, il meurt, là, on se débarrasse. OK. C'est ça. Non, donc, c'est pour la chambre hyperbare, c'est tout simplement pour permettre d'en libérer une petite partie le temps qu'on reforme, on s'en reforme d'autres, là, tout simplement. Okay. Ou on peut aller en exchange transfusion, aussi changer complètement le sang pour ça. Donc, les deux choses sont faites. Mais pas pour les mamans qui fument lorsqu'elles sont enceintes, c'est pas ça qu'on fait. En passant. Une chose qui est documentée et connue, là, il y a une association positive entre la mort, syndrome de mort subite du nourrisson et l'exposition in utero à la fumée secondaire et à la cigarette. Donc, vous savez que la mort subite, le syndrome de mort subite du nourrisson, c'est pas connu. On ne sait pas la cause, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de. Ça n'a pas l'air familial, ça n'a pas l'air génétique, ça n'a pas l'air. Ils ne savent pas pourquoi. La seule chose qu'ils ont été capables de coller, de regrouper, c'est la cigarette. Ce qui ne veut pas dire que si vous ne fumez pas ou il n'y a pas de fumée, que ça ne vous arrivera pas malheureusement. Il y a probablement autre chose, mais c'est connu pour ça. OK? Puis il y a une association possible, ça c'est des études, avec une augmentation du risque de diabète de type 2. Ça, ce sont des études plus récentes. Est-ce qu'il y a un rapport qualitatif avec la cigarette? Pas que j'ai vu. Pas que j'ai vu. Mais quoi? À moins que, à moins qu'il y ait manque d'oxygénation au niveau du fœtus, ça pourrait peut-être. Ça. Mais sinon, j'en ai pas vu tel quel. Est-ce que ça va pour l'alcool et la cigarette? Donc ça, c'est connu. Et ce sont les deux modes qui sont légales. OK? Donc, c'est des choses qui sont courantes. Donc important. Mais bon, on s'entend. Substances illicites. Donc, vous les avez ici. Opium, cocaïne, cannabis, amphétamine, éthamphétamine et la phénicilline. Donc, les opioïdes, c'est la morphine, la codéine, l'héroïne, la méthadone. Les morphines, on grimpe de tabou. Mais non, mais pas vraiment. Non, mais c'est parce que si vous faites doser au labo, vous avez mangé un muffin de graisse de tabou, vous allez tester positif aux opioïdes. Ah oui, genre. Hein? Ben oui, oui. C'est même les oui. Même les oh, oui. Même les athlètes. Oh oui, et ça, c'est vrai, parce que cette histoire, j'ai compté. Où nous avions dosé, parce que nous, des fois, on dose pour des compagnies. On dose pour des compagnies, leurs employés. OK? Ils font savoir. Une compagnie camionneur. Une compagnie de transporteurs aériens, vous êtes bien content que votre petit pilote qui vous amène en Floride ou quelque chose ne soit pas là-dessus. Que quand il est high, c'est juste parce qu'il conduit, pas parce qu'il n'y a plus quelque chose. Et malheureusement, la petite secrétaire, une petite secrétaire de 57 années, avec une attente, toujours au bureau, toujours stricte, elle est tombée positive aux opioïdes. Elle a dit, mais ça n'a pas d'allure. On voit bien, regarde. Tu l'as pris, effectivement. Elle dit, j'ai juste pris des morphines et les a amenés au labo. Donc, les biochimistes qui étaient mon collègue qui sont là, regardez ça, ils ont été s'acheter des gros muffins chez Club Price. Ah oui. Ils ont donné ça aux techniciennes, puis le biochimiste aussi, puis ils ont tout testé positif. OK? C'est normal. Je veux dire, le pavot, là, ici, c'est le c'est avec ça qu'on va faire, on va être capable d'aller chercher ces choses-là. Donc, les molécules là-dedans, avant transformation, nous, c'est dosé par des anticorps. L'anticorps reconnaît une structure chimique. Mais la structure chimique est très, très proche dans ce que vous avez dans le pavot. Ça vient de là. Il y a quelques modifications chimiques à peine. Donc, effectivement. Donc, c'est pour ça que si jamais on vous teste positif, vous avez mangé les graines de pavot, dites-le, ils vont vous faire un autre test. Mais ça n'en prend vraiment pas beaucoup, ça veut dire, pour tester positif. Oh oui, bon, ça n'en prend pas beaucoup. Mais il y en a du pavot. Il m'a fait une graine de pavot chez Club Price. Est-ce que c'est la même chose si tu manges du chanvre? Probablement. Tu vas tester positif pour le THC. Probablement. Okay. Donc, les opioïdes, qu'est-ce que ça donne pour le plaisir? Analgésique, sédation, euphorie, dépression respiratoire. Dépression respiratoire, vous savez que quand on donne de la morphine aux gens qui sont en cancer terminal, ça va les tuer, c'est ça qui va les tuer. Mm-hmm. Okay? Donc, par dépression respiratoire, ça contrôle la douleur, mais ça tue le patient également. Hypotension orthostatique, nausées, vomissements, motilité diminuée, ça amène une tolérance, une dépendance physique et psychologique. Donc, c'est pas juste qu'il en veut, mais le corps va en demander également. Donc, les deux. Il y a des bébés méthadone qui appellent, ça se peut-tu? La méthadone, c'est une drogue qu'on donne aux gens qui prennent de la morphine, pour essayer la morphine et de l'héroïne pour essayer de les... Mais c'est une drogue, hein? C'est une drogue, la même chose, mais c'est parce qu'ils ne sont pas capables de décrocher, donc c'est ce qu'on leur donne. Mais il n'y a pas les effets secondaires, pas tout à fait la même chose, mais c'est une drogue, ce sont des gens qui sont drogués, puis ils vont le prendre pendant de longues périodes. Cocaïne. On dose ici le benzoylecgonine, qui est le métabolite actif. Vous avez ici toutes les... ce que ça fait. Le cannabis, marijuana, cannabis, hashish, même chose. Dosage du THC, une tolérance, dépendance physique plus faible. La dépendance ici est surtout psychologique, plus que physique. Amphétamine, méthamphétamine, ça c'est l'ecstasy, le crystallize. Tolérance, dépendance physique ici. Phénicyclidine, c'est le PCP, le Angel Dust. Stimulant, dépression, hallucinogène, paranoïa. Donc vous avez ici à peu près ce que ça donne. Donc évidemment, pour une femme enceinte, c'est non. Pour tout ça. Le PCP, c'est comme la mescaline qui se vend dans la semaine. Ça, je ne pourrais pas vous dire. La mescaline, c'est quoi exactement? C'est-tu du PCP? Je pense que oui. C'est pas du mescal comme le cactus qui vient de. OK. Donc, les drogues, je ne vous demanderai pas c'est quoi l'effet de la cocaïne, c'est quoi l'effet. Celle qu'on a vue avant, c'était pour votre connaissance personnelle. Je ne vous demanderai pas ça, prenez pas ça. Ça, vous devez le savoir, par exemple. Deux tests au laboratoire, dépistage ou confirmation. C'est deux tests tout à fait différents. Comme vous avez vu tantôt, notre héroïne, la petite madame, qui avait mangé une graine de pavot, au test de dépistage, elle tombe positive, mais elle n'a pas pris la drogue. Donc, on va vers un test spécialisé qui va chercher spécifiquement cette drogue-là. Mais c'est un test qui est beaucoup plus cher, c'est 110$ au lieu de coûter 10 sous, OK? Mais pour des cas comme ça, ça vaut la peine, OK? Donc, moi, la confirmation, c'est fait dans mon laboratoire, on le fait pour deux drogues seulement. Le dosage de dépistage, c'est ce qu'on fait quand le patient arrive à l'urgence, c'est tout simplement, le médecin veut savoir, quand il arrive complètement dans le cirage, est-ce que c'est dû à une maladie ou est-ce qu'il est drogué ou tout ça? On n'a pas besoin de savoir exactement combien. On a besoin de savoir est-ce qu'il est drogué ou non, à peu près quelle drogue, puis ça correspond à ça. Pour tout ce qui s'appelle légal, ou pour savoir pour les bébés, nous, à Saint-Luc, on va faire une confirmation pour être sûr que, oui, la patiente, le bébé et les taux que je retrouve chez les bébés, c'est 10 à 20 à 100 fois plus fort que ce que je retrouve chez un cocaïnomane convaincu. C'est épouvantable. Je peux trouver, normalement, c'est 350 pour la détection de drogue. Et les bébés, ils ont des 20 000. C'est énorme, là. C'est pas oublie pas, c'est une toute petite personne et tout ça, les concentrations sont épouvantables. OK? Et on confirme pour être sûr que c'est de la drogue et vraiment de la drogue. Que c'est la même chose. Donc, vous devez être capable de me dire la différence entre un test de dépistage où on sait que c'est la drogue. Mais comme c'est une méthode qui utilise les anticorps, Elle reconnaît également des médicaments qui ont des structures très proches ou d'autres molécules. Donc, ce n'est pas spécifique. Okay, on ne reconnaît pas que la drogue. C'est sensible, mais ce n'est pas spécifique. Alors qu'en confirmation, qui est un test beaucoup plus cher, beaucoup plus long, un test que ce n'est pas tout le monde qui fait, là, on va chercher précisément une drogue pour être sûr si c'est vraiment ça. Okay? Comprenez-vous la différence entre un... je reviendrai peut-être la semaine prochaine avec ça, parce que là, comme d'habitude, je parle trop. C'est qu'on va, je vais me calmer le pompon. Mais si vous avez des questions la semaine prochaine, je reviens là-dessus. Vous devez savoir ça. Dans quel milieu on peut tester pour les drogues? Évidemment, on utilise l'urine. Pourquoi? Bien, c'est moins invasif que d'avoir appliqué quelqu'un. Okay? C'est le milieu qui est le plus utilisé. Malheureusement, c'est le milieu qui est le plus trafiquable. Si on avait le temps, je pourrais vous dire tout ce que les gens font pour truquer leur test d'urine. Ah oui? Oui, mais je peux vous dire qu'est-ce que nous, on prend pour essayer. Les morons, on les prend. Les gens bien préparés, on ne sera pas capable de les trouver. Ils vendent sur Internet des pénis en plastique. Oui, parce que c'est surveillance. Hein? C'est surveillance. Quand vous êtes sur un ordre de cours, et puis ils pensent que vous allez dormir, il y a quelqu'un qui rentre dans la toilette avec vous. OK? Oui. Mais ça, je pourrais tout raconter ça. Il y a des histoires fabuleuses là-dedans. OK? Mais c'est traficable. C'est très, très facile de trafiquer un test d'urine. À moins que vous soyez dans un labo qui fasse ça, là, c'est sûr qu'il va falloir que vous soyez plus imaginatif. Un paquet de choses. Et il y a plein de choses sur Internet qui marchent. Il y a des choses qui ne marchent pas. Puis il y a des choses qui conseillent qui sont éminemment dangereuses. Des niaiseries aussi. Et l'urine, c'est quelques jours après la prise de la drogue. Autrement dit, si vous avez été, vous avez pris un dimanche, vous avez pris un petit joint, vous n'êtes plus le lendemain sous l'influence de la Marie. Malheureusement, votre urine, oui. Okay, donc, ça va, votre test est valable pendant quelques jours. Mais il y a des choses, même dans des magasins qui se vendent, là, tu bois, puis ouais. Tu n'es pas supposé... Oui, bien, ça, il y en a qui marchent, mais il y en a qui ne marchent pas. Okay. Tout ce que ça a enlevé, ça vous a enlevé 5,50 de votre portefeuille. Oh. C'est plus cher que ça. Donc, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, on s'entend. On peut doser dans le sang, difficilement traficable, mais plus invasive. Dans le méconium, évidemment, le méconium, ce n'est pas chez un adulte. Vous devriez le savoir, mais c'est mes élèves réguliers qui ne savent pas tout le temps. Ils ont l'air fous, pas rien qu'un peu, quand je leur dis qu'est-ce que c'est. Ils n'ont pas lu tes affaires. Okay? Et le méconium, ça donne des évidences d'utilisation maternelle dans les derniers trimestres. Okay? Les derniers trimestres, c'est quoi? C'est les deux derniers? Ben là, ça, oui. Ça doit être les deux derniers. Les cheveux. OK? Ça, c'est une utilisation chronique, parce qu'on prend les bouts de cheveux. Et puis, évidemment, quand vous prenez de la drogue, ça se met dans les cheveux. Et puis, on connaît la... Comme une carotte. Là. Oui, c'est ça. C'est pris en carotte. Donc, évidemment, il y en a qui se rasent complètement. Mais là, ils vont vers les dessous de bras. Ils se rasent là. Mais ils vont vers les... Tu peux en prendre partout, des poils. Hein? Aïe, aïe. Donc, oui, ça se fait. Chronique d'utilisation. La sueur, beaucoup moins courant, mais ça sort dans la sueur également. La salive. La salive, c'est très bon pour l'usage récent. Donc, ça vous dirait, effectivement, si vous avez pris... un joint le dimanche, mais vous n'arrivez pas à incommoder sur l'alcool si vous faisiez la salive à ce moment-là, vous ne testez pas positif. Mais ça demande des utilisations plus... ça demande des appareils plus sensibles. OK, substance illicite, détection des drogues de nuit chez la mère devrait également déclencher chez elle, si ce n'est pas déjà fait, un dosage de l'hépatite et du VIH. Malheureusement, pour les toxicomanes, ça va de pair... avec l'hépatite et le VIH. Donc, si vous avez une mère qui, comme ça, vous devriez avoir déjà fait ces tests-là. Qu'est-ce qu'on va faire comme milieu biologique? Bien, chez la mère, on va prendre l'urine. Chez l'enfant, on va prendre l'urine et le méconium peut être utilisé. Présentation clinique de l'enfant dépend de la drogue utilisée pendant la grossesse. Il y en a qui sont beaucoup plus dangereuses que d'autres. Du temps et de la quantité de la dernière utilisation maternelle, du métabolisme et de l'expression de la mère et du bébé. Prématurité et restriction de la croissance intra-utérine est retrouvée chez les opioïdes, la cocaïne, les amphétamines. Sevrage chez les opioïdes et les barbiturates et la cocaïne aussi. Et puis, la cocaïne, il y a un effet de sevrage, mais il y a un effet direct également de la drogue. Plus l'effet de la drogue que le sevrage. Elle a pas dit ça. Oh, cute. Plusieurs substances sont excrétées dans le lait maternel et ont des effets sur l'enfant. Donc, vous voyez les effets et vous voyez ici ce que ça fait chez l'enfant. Donc, les mères sont encouragées à cesser l'utilisation de la drogue. Si ce n'est pas possible, cesser l'allaitement maternel. OK? Entre autres, bon, la marijuana, il n'y a pas de données ici. On recommence, ce qui ne veut pas dire qu'on recommande l'usage de la marijuana. OK, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas, de données assez pour prouver des faits, ils n'ont pas vu des faits. Mais d'autres, comme la phénylcyclidine, chez le bébé, c'est un hallucinogène puissant également. Bon, OK, et là, vous avez vu, prélèvement capillaire, j'ai tout enlevé. Les questions pour votre devoir, c'est pas pour la semaine prochaine. L'autre semaine après, ça se trouve à être la semaine de relâche. Donc, vous ne me remettez pas ça pour la semaine de relâche. Et en revenant de la semaine de relâche, j'ai besoin du devoir. Ça veut dire quand? Le 12. Le 12. OK, je vous explique qu'est-ce que je veux. Le devoir est sur le prélèvement capillaire. Ça ne dit pas un prélèvement capillaire, c'est pas un prélèvement de cheveux, s'il vous plaît. OK? Juste au corps. OK? Donc, par exemple, c'est le prélèvement que vous allez faire sur le bout du doigt, pour les doigts corrects, entre autres. Mais vous savez qu'on peut faire n'importe quel test de biochimie avec ça. Il y a des tout petits tubes où on va aller récolter. Chez les enfants, on va faire ça. Dans un bébé, on ne va pas prendre des beaux gros tubes que vous prenez pour les mamans, puis tu plugues ça sur le bébé, puis ça sort, là. Puis on vide la moitié du bébé comme ça, là. C'est des prélèvements capillaires. OK? Donc, c'est ça. Donc là, ce n'est pas les cheveux. C'est le prélèvement capillaire. Donc, dans quelles conditions est-il préférable d'utiliser un prélèvement capillaire plutôt qu'un prélèvement veineux? Donc, vous allez m'en trouver trois conditions. Pourquoi? Est-ce que je devrais utiliser un capillaire plutôt qu'un veineux? Là, OK. J'aimerais ça que vous regardiez, vous trouviez des guidelines. Vous pouvez aller voir l'Ordre des technologistes du Québec, vous pouvez aller voir d'autres choses, vous pouvez aller voir des sites américains de prélèvement. J'aimerais que vous mettiez votre référence, s'il vous plaît. Parce que si vous allez sur Wikipédia, chez bob.garage.com, il va y avoir des drôles de choses. J'aimerais savoir où vous prenez vos renseignements. OK? Donc, pourquoi? Dans quelles conditions on ne devrait jamais faire un prélèvement capillaire? Bon, là, évidemment, vous voyez que ce n'est pas la même chose ici. Donc, j'aimerais ça que vous soyez un petit peu plus... OK. Diversifié, là. Lors d'un prélèvement capillaire, doit-on masser le doigt du patient? Quand et pourquoi? Bon, masser, c'est ça. C'est pas vous installer, mettre de la crème et tout ça, mais c'est ça, là. OK? C'est cet acte-là. Si je vous le demande, c'est parce qu'il y a une raison. Vous n'en faites pas. Quand vous allez me remettre le devoir, moi, je vais vous donner une feuille qui contient toutes les réponses. Hein? Donc, évidemment, c'est là-dedans. Et j'aimerais que vous le cherchiez un peu. Est-ce que l'ordre des prélèvements est le même que pour une ponction veineuse? Vous savez, l'ordre, vous avez appris, mais que vous m'avez maudit plusieurs fois parce que j'ai demandé les noms des tubes plutôt que les couleurs. OK? Yes. C'est correct si vous l'avez reconnu, mais si vous ne l'avez pas reconnu, est-ce que c'est le même ordre? Donc ça, c'est une question oui ou non, hein? Ça va bien. Le sens de l'incision sur le bout du doigt est-il important et pourquoi? Le sens de l'incision. L'incision, c'est quand vous faites, vous utilisez la lancette et tout ça. Je peux-tu le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Ça ne dérange pas. C'est artistique. Peut-être que ça ne dérange pas. Peut-être que ça dérange. Pourquoi ça dérange? Le sens. Bon, tu le fais-tu n'importe comment? Ben, OK. D'après, tu le fais pas dans les verres, c'est certain. Non, il faut toucher le doigt, là. Toucher le doigt quelque part. En plantant des infirmières qui inspirent comme ça, là, tu sais, ils le savent. Ça coule pas. Est-ce que ça va pour ça? Okay. S'il vous plaît, mettez-moi la référence. Vous allez chercher ces questions-là. J'ai pas mais je l'ai pas mis sur la mienne.